Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anime Minute EX, épisode spécial et donc épisode spécial invité spécial et donc cet invité c'est évidemment Eric Druot. Eric, comment ça va? Bonjour à tous, et bien ça va très bien. Et bien ça fait plaisir d'entendre ça. On est samedi matin, il fait beau, le soleil tape dans ma chambre. Oui, alors samedi matin à 13h évidemment. Oui, à 13h, bien sûr. On n'a pas tous le même train de vie, hein, effectivement. C'est terrible, ça. Alors, et donc oui, épisode spécial, parce que c'est un épisode spécial Yakuza, pour fêter la sortie de Yakuza Like Dragon, la nouvelle entrée principale dans la licence Yakuza. Et donc, c'est un podcast qui existe, enfin, c'est un podcast, c'est un épisode qui existe quasiment entièrement grâce à notre partenaire Core Media, qui nous accompagne depuis maintenant 3-4 épisodes, malgré tout. Et qui nous ont fait confiance pour nous envoyer assez à l'avance, finalement, Yakuza 7, donc Yakuza Like a Dragon, on expliquera pourquoi plus tard. Et on a pu, du coup, bien le retourner et voir ce qu'il en donne pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu. Est-ce que, finalement, vous pourrez le lancer sans avoir fait les autres? Et ensuite, on ira un peu parler de la licence en général de Yakuza, depuis quand ça existe, pourquoi on aime cette licence. On a 2-3 lettres d'amour de fans à diffuser. Donc voilà, on va faire un peu le prisme de cette licence qui a pris du galon, mais qui reste encore assez de niche malgré tout. Et qui maintenant, grâce justement à Core Media, et comme pour ils ont pu le faire pour la licence Persona, nous les distribue maintenant sous-titrés en français dans le texte, et donc qui permet que le plus grand monde puisse y jouer tout simplement. Et également, donc Yannick, vous aurez vu que Yannick n'est pas là pour le moment, il nous rejoindra à la fin de cet épisode, pour les recommandations et les deux autres tests de jeux Core Media, car on inverse pour cet épisode, vu que c'est vraiment un épisode dans lequel on veut mettre l'accent avant tout sur Yakuza Like a Dragon, avant de faire passer d'autres choses. Donc voilà, on inverse, on va voir ce que ça donne, ça va être cool, et donc voilà, il nous rejoindra après le passage Yakuza. Du coup, les deux jeux qu'on testera à la fin, ce sera Mad Dead Rabbit par Yannick, et moi je vous proposerai le test du MMO édité par Core Media, qui est Black Desert Online, qui est sorti dans une nouvelle version, et on parlera donc de tout ça à la fin. Donc on va pouvoir un peu attaquer le gros du morceau, mais évidemment on a les jingles. Alors je préviens à l'avance, il n'y aura pas de jeu dans celui-là, car nous sommes à distance, confinement oblige, et qu'à distance on évite les jeux parce que le décalage c'est un peu la galère, et en plus on voulait vraiment mettre l'honneur sur cette licence qu'on aime, qui offre déjà beaucoup, et donc on veut vraiment que vous soyez focus sur notre amour pour la licence. Donc, évidemment, on commence par maintenant le jingle du thème tout de suite. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Yare, yare, dase. Et oui, Vald, on parle de Yakuza Like a Dragon, et si tu avais écouté un peu, tu le saurais. Donc, focus. Et vous aussi, focus, parce que ça y est, on entre dans le vif du sujet. Alors, Yakuza Like a Dragon, comme je vais arrêter l'accent anglais tout très vite, je vous le dis tout de suite. donc comme on disait, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est le numéro 7 et non pas le 7ème, mais on expliquera pourquoi tout ça, etc. Vous ne vous prenez pas la tête avec ce numéro, on va vraiment l'appeler Yakuza Like a Dragon, c'est encore mieux en français, putain c'est trop bien. Et voilà, c'est une nouvelle entrée dans l'univers Yakuza, c'est un nouveau point d'entrée, nouveau héros, nouvelle ville, nouvelle histoire. Donc si vous n'avez jamais touché à un Yakuza, vous pouvez commencer vraiment par celui-là. Et si vous avez fait les anciens Yakuza, vous inquiétez pas, le lien se fait très vite, donc vous pouvez également y aller les yeux fermés. Mais avant qu'on aille plus loin sur tout ce qu'est ce jeu de Yakuza Like a Dragon, je vais demander à mon très cher Captain Synopsis, Eric évidemment, Alors, avant qu'on commence le synopsis, avant quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, on ne spoilera absolument pas Yakuza, mais même aucun précédent. On est là pour vous donner envie de découvrir la licence, que ce soit via du coup Yakuza Like a Dragon ou un ancien plus tard. Mais voilà, on ne spoilera absolument rien d'histoire. Vous aurez du gameplay, de l'ambiance, des mini-jeux, etc. Mais on ne veut pas vous gâcher l'histoire, car c'est des jeux à histoire très importante. Donc voilà. Ah, ça c'est clair. Ce sera spoiler free, on s'y engage. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez continuer d'écouter, n'ayez pas peur. Donc je te laisse la parole, mon cher Eric, pour ce petit synopsis. Alors, pour ce petit synopsis que je n'ai pas préparé, non, je rigole. je vais essayer de faire court quand même. C'est l'histoire d'un Yakuza, donc Ichiban Kasuga, qui a tout perdu. Et en plus de ça, il a fait 18 ans de tôle. Et en fait, à sa libération, il doit tout recommencer. Donc, recommencer sa vie dans une autre ville et redécouvrir bah, la vie extérieure. Et bah, on commence vraiment comme une personne perdue, en fait. On est vraiment décalé de la société. Enfin, vous verrez pourquoi je dis ça. Et on a, enfin, comme tout héros ou comme tout personnage de vidéo, on a quand même une quête. Et cette quête, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle est vraiment, vraiment très importante. Je ne donnerai même pas, ne serait-ce qu'un petit indice. Mais elle va quand même... Comment dire ça ? Enfin, ça va quand même... Ça va vous choquer. Je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas terminé le jeu et je pense que je vais être choqué. Mais voilà, c'est, on va donc jouer ce fameux Ichiban qui va devoir redécouvrir à la fois... la vie en dehors des barreaux, parce que 18 ans malgré tout, c'est que on joue à un personnage qui a 43 ans malgré tout, et qui en plus est donc originaire normalement de Kamurocho, donc la ville iconique des précédents Yakuza, et exactement. Qui maintenant va se retrouver à devoir appréhender à la fois une nouvelle vie dans un nouveau siècle et à la fois une nouvelle vie dans une nouvelle ville, parce que maintenant l'histoire se déroule à la ville portuaire de Yokohama, non loin évidemment de Kamurocho, mais une ville très différente et beaucoup moins folklorique, finalement. Ah, ça, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ville de Yokohama, de comment, toi, tu as ressenti, finalement, ton parcours dans les rues de cette ville, par rapport à Kamurocho, peut-être ? Eh ben, par rapport à Kamurocho, je trouve qu'il y a... C'est moins coloré, moins... En fait, c'est quand même vivant. Oui. Mais il y a un manque de néons, de couleurs. Ah bah, de... C'est comme comparer Tourcoing et Times Square, quoi. Ouais, on peut dire ça. Tu vois, les rues de Yokohama sont quand même déjà plus grandes. Oui. On va pas se mentir. C'est des grandes. La zone des... est. Bah, déjà, il y a des routes, en fait. Il y a des routes, il y a. Premièrement. Enfin, il y a des. Il y a des voitures. Enfin, genre, les voitures sont. Enfin, un élément, mis à part qu'on voyait dans les Yakuza d'avant, qui étaient des taxis. Oui. Et encore, j'ai pas fait tous les Yakuza. Mais les voitures, bah, t'en voyais 2-3 dans une rue et puis en fait, c'était juste des gens garés, quoi. Alors que là, bah, tu traverses des grandes rues, un peu comme à Tokyo, tu vois. Tu te fais renverser salement. Tu peux te faire renverser salement. C'est bien salement, d'ailleurs. Oui. Ah bah, la première fois que je me suis fait renverser, j'ai cru que j'étais mort. Hein. Bah, vraiment. Tu perds la moitié de tes PV, hein. Vraiment, ça fait vraiment mal. Hein. En plus, ça, c'est au niveau du combat, si vous devez vous battre et que vous êtes à côté d'une route... Alors, conseil de pote, essayez de pousser vos ennemis sur la route. On vous en parlera plus tard de système de combat, mais vous verrez que c'est assez impressionnant. C'est assez incroyable. Mais non, oui, c'est... En fait, on est moins à l'étroit. Il y a peut-être des foules, des choses comme ça, mais Kamurocho, quand je parcours à cette ville, bah, c'était full dans des petites rues. Donc, bah, tu vois, tu cours, tu tapes des épaules. Enfin, t'es rarement libre. Là, Yokohama, bah, je peux te dire, j'ai fait une petite trotte sans bousculer des gens. Puis d'un quartier à un autre, tu vois vraiment une différence. Tu vois, genre, t'as le quartier résidentiel. Enfin, après, moi, j'ai pas débloqué tous les quartiers. Mais voilà, la différence entre vraiment bah, Kamurocho et Yokohama, c'est que Kamurocho est un quartier, en fait. Faut rappeler, c'est pas une ville. Oui, voilà. C'est que, en fait, dans les précédents Yakuza, on jouait un quartier, mais ultra dense. Du coup, il y a vraiment énormément de choses à faire, mais en termes de superficie. C'était pas gigantesque. Là où maintenant on arrive à Yokohama. Yokohama qui est une ville entière, divisée en 6 quartiers. C'est bien défini sur la carte, c'est bien défini sur la progression de l'histoire d'ailleurs finalement. Et ça c'est un très bon point qu'on parlera dans la progression dans le jeu. Mais cette ville de Yokohama, donc, elle est plus grise. Elle est sale d'ailleurs même. Ah oui. Elle est... Enfin voilà, c'est une ville portuaire assez pauvre quand même malgré tout. Et c'est vraiment moins, c'est beaucoup moins funky que Kamurocho, mais c'est beaucoup plus proche de la réalité des villes finalement. Même si Kamurocho existe, hein, attention, hein, je dis pas le contraire, mais on est moins dans l'euphorie de cette grande société capitaliste avec des néons, des machines à sous partout, et du coup ça se ressent également dans la progression. Parce que, donc, si vous n'êtes pas habitué à Yakuza, c'est un grand jeu, etc. On vous expliquera un peu ce que c'est. Mais surtout, c'est aussi énormément de mini-jeux. Oh oui. Donc c'est vraiment, faut se dire, Yakuza, ça rime avec mini-jeu. C'est par jeu, il y a bien minimum une vingtaine de mini-jeux à chaque fois. Et là, on va en avoir un peu moins, en tout cas un peu plus disséminé. Mais du coup, c'est complètement cohérent et finalement, on s'est bien intégré au jeu. Et comme on dit, on reviendra de ça tout à l'heure. Voilà, c'est que moi, j'ai aimé comment nous propose ce que nous propose cette ville et j'ai aimé ce changement, en tout cas. Bah, moi aussi. Pour le coup, enfin, en fait, c'est le Yakuza des nouveautés, tu vois, le Yakuza du changement. Ouais. Enfin, clairement, enfin, pendant, allez, on va dire 7 opus, ouais, 7 opus facile. On a eu Kamurocho qui a évolué. Enfin, 8. Ah oui, bah oui, avec Judgment qui est du coup un Kamurocho mais différent. Oui. Puis, enfin, voilà. En fait, on a surtout vu évoluer la ville. On a vu d'autres villes dans certains autres Yakuza, comme Yakuza 4, voilà, qui proposait 4 villes, si je me trompe pas. On y reviendra de toute façon dans la deuxième partie de l'émission, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour revenir un peu du coup sur Like a Dragon, on va faire un point surtout en fait, sur qu'est-ce que Yakuza. Yakuza, ce sont des jeux principalement d'action, très film noir japonais, dans l'idée. Film de Yakuza japonais en fait, hein, on peut le dire même, hein. c'est presque dans le nom, totalement. En fait c'est vraiment des jeux vraiment très scénarisés avec de la grosse mise en scène très cinématographique, où avant on suivait un certain Kiryu durant 7 jeux, et là maintenant du coup on a un nouveau héros, donc Ichiban Kasuga, le swag incarné, on peut le dire, Eric André pour Ichiban. Les intimes, hein. lui-même. Et oui. Oui, voilà. Enfin, j'adore cette comparaison. Mais voilà, c'est que c'est qu'on on nous propose vraiment une rupture forte entre un nouveau héros, une nouvelle ville et attention, un nouveau gameplay. Les anciens Yakuza c'était du beat'em all, on peut le dire, hein, du beat'em up, du jeu d'action. Ah, oui. On se tabassait, on faisait du kung-fu, du karaté ou autre art martial en tout cas. Donc voilà, vraiment très très action. On pouvait tout casser, machin et tout. Et maintenant, tu vas nous dire, très cher Eric, qu'est-ce que c'est maintenant ce nouveau Yakuza ? Eh bien, dans ce Yakuza du changement, on est passé du beat'em all action, comme tu viens de dire, oui, à un RPG dynamique, au tour par tour, quasiment, mais au tour par dynamique. Tour, c'est pas quasiment, c'est un JRPG au tour par tour dans son fond de gameplay, du plus classicisme qu'on peut donner. Mais on va évidemment nuancer tout ce que je viens de dire, évidemment, mais dans son corps de gameplay, c'est du tour par tour tout ce qu'il y a entre guillemets de plus classique. Mais attention, parce que c'est plein de subtilités propres à ce jeu, et pour vous teaser un petit peu, c'est pour moi, ça devrait devenir la référence de ce que devrait devenir le JRPG au tour par tour maintenant. Vraiment, c'est assez incroyable ce que ça a réussi à faire. Mais Eric, tu peux nous dire, mais enfin, c'est pas un peu bizarre d'être passé au tour par tour dans un Yakuza ? Enfin, c'est quand même pas très logique, je trouve, dans ce genre de jeu. Eh ben, en fait, tout part de l'année dernière, donc avril 2019. Donc 1er avril 2019, les créateurs de Yakuza, en fait, Like a Dragon, du coup, ils ont posté une vidéo en ligne de ce que devait être Yakuza 7, du coup. Mais avec un gameplay au tour par tour. Et en fait, ça a extrêmement plu à une partie de la fanbase. Et en fait, ils se sont dit, si ça a plu à la fanbase, pourquoi pas faire en sorte qu'en fait, le tour par tour soit du coup la mécanique de gameplay actuelle. Et du coup, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient créé auparavant. Donc, en fait, Yakuza 7, du coup, pas Yakuza Like a Dragon, devait être un... Comme ses précédents... Enfin, comme les précédentes itérations de Yakuza, donc un beat'em all action. Et grâce à la vidéo du 1er avril, en fait, ils ont tout abandonné et ils ont tout refait pour faire un JRPG, et ce, en même pas un an. Donc, oui, c'est ça. Bravo à eux. Après, faut se dire que tout le cœur du jeu, c'est Yakuza, dans les animations, c'est juste le gameplay, entre guillemets. Donc, c'est pas c'est finalement pas... Enfin, si, c'est un énorme changement par rapport à plein de choses dedans, mais en termes de technique pure, ils avaient le plus gros de fait, quand même, quoi. Ah oui, voilà, c'est juste qu'ils ont réussi ils ont réadapté, quoi. Oui, voilà. Mais et surtout, c'est ce que moi, ce qui me fait énormément kiffer dans le jeu, c'est qu'ils auraient pu juste mettre le JRPG et dire bah c'est comme ça qu'on joue le jeu, point. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont justifié in-game. Le Ichiban, le héros, en fait, depuis qu'il est gamin, il est ultra, ultra, ultra fan de Dragon Quest. Dragon Quest, créatrice du genre JRPG, hein, tout simplement. Et en fait, lui, ce qu'il veut, ce qu'il rêve, c'est de devenir un héros. Vraiment, il veut devenir un héros. Enfin, pas en mode je veux tuer des monstres, mais en mode je veux aider les gens, je veux être un héros, je veux qu'on me voie, enfin machin et tout. Et, le bon samaritain. Et en fait, c'est que quand il combat, il voit le monde comme un JRPG au tour par tour. Et vu qu'on joue Ichiban, et ben les phases de combat sont en fait dans sa tête, entre guillemets. Et donc on voit comment lui voit le monde à ces moments. Et on voit même comment il imagine les ennemis. Et donc les ennemis vont tout de suite se transformer en des quelque chose de plus burlesque, de plus débile, entre guillemets. Ouais, voilà. Parce que faut pas oublier que Yakuza, c'est des histoires très sérieuses, avec des soupçons d'épices ultra débiles, avec des Yakuza obèses en couche, avec des mecs tout nus remplis de bulles, avec des gens qui rampent à moitié à poil par terre. Enfin bref, c'est. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est vraiment. Ouais. C'est un tronc ultra solide d'une histoire incroyable qui vous fera vibrer, chialer, tout ce que vous voulez, avec vraiment des soupçons de moments complètement absurdes qui vont pouvoir détendre l'atmosphère et finalement comprendre toutes les sens que veut vous offrir ce jeu, quoi. Et que tous les Yakuza, d'ailleurs, même. Pas que Yakuza, et que Dragon, pour le coup. J'ai perdu le jeu. Oui, et donc, c'est justifié parce qu'il est fan de Dragon Quest, et donc, il va pouvoir... On voit, à travers ses yeux, comment il voit les combats, et les combats, il les voit donc au tour par tour. Et c'est là où je trouve la chose très intelligente, c'est que ils ont voulu jusqu'au bout expliquer pourquoi, et en fait c'est ultra cohérent par rapport en plus à tout ce que veut nous raconter le jeu et de tout comment ça marche. Et ça, c'est vraiment très cool. Et parce qu'en fait, du coup, si vous avez déjà joué à Dragon Quest, vous ne serez pas dépaysé parce que littéralement, le corps du gameplay, c'est Dragon Quest, mais avec un skin Yakuza. Et par exemple, vous allez avoir... D'ailleurs, ça ressemble presque plus à un Dragon Quest 9, dans l'idée où vraiment les anciens Dragon Quest, parce qu'il y a aussi le rôle de Job qui va venir avec. Ah oui. En gros, c'est... Vous allez avoir des persos qui vont monter en level. Ils vont avoir des équipements, sauf qu'à la place d'avoir des épées, ils vont avoir des battes, ils vont avoir des matraques, ils vont avoir des sacs à main, ils vont avoir des raquettes de tennis, des parapluies. Parce qu'on est dans le vrai monde, donc tu te balades pas avec une épée, c'est normal. D'ailleurs, vous allez très vite avoir aussi des dibdos géants à la place de battes. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses complètement normales. C'est des choses complètement normales dans le jeu, quoi. Enfin, et voilà. Et pareil, il faut se dire que par exemple, votre troupe sera pas un archer, un super beau gosse et tout. Non, vous avez un yakuza sorti de tôle, vous avez un SDF, vous avez un vieux détective, vous avez une serveuse, vous avez des idoles. Enfin, vous avez vraiment tout. Et à la place d'avoir des classes, vous avez du coup, bah, dans la vraie vie, on a quoi? On a des petits boulots, on a des jobs. Et donc, bah, en job, on va pouvoir avoir, bah, voilà, comme je dis, des idoles, des rockers, des sans-abri, des détectives, des policiers, des catcheurs, machin et tout. Et ça va être votre classe. Et donc, ça va jouer sur vos compétences et vos équipements. Mais comme tout bon RPG qui se respecte, on a également des invocations. Mais dans le vrai monde, il n'y a pas d'invocation. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend son téléphone et on appelle du renfort. Et on invoque des gros bodybuildés suants qui vont taper... On invoque des écrevisses, on invoque des rockers, enfin voilà, on invoque des potes, quoi. C'est aussi, oui, on invoque c'est aussi simple qu'on que ça. Peut, en fait. On s'entraide, quoi. On s'entraide. Tout normal, quoi. Et pareil, c'est que la magie, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on pue de la gueule? On crache sur une flamme et ça fait un lance-flamme. C'est des choses aussi simples que ça, finalement. Et c'est. Bah oui. Non, mais oui, évidemment. On lance des graines sur des ennemis pour que des pigeons viennent attaquer. Ah, c'est, bon, des choses... c'est des choses complètement normales. Évidemment. Mais enfin voilà, c'est que imaginez Dragon Quest, mais en pur, enfin terre à terre évidemment, en loufoque sur plein de choses, mais en où tout finalement est terre à terre de la réalité des années 2020, et du coup bah ça marche de ouf parce que je pense n'avoir jamais vu vraiment un RPG de nos jours autant terre à terre, parce que par exemple Persona, ça se passe de nos jours, mais c'est toujours quand même un monde alternatif avec des bah, les personnages souvent machin et tout. Là, on est vraiment 100% terre-à-terre, outre le loufoque, etc. Mais tout est justifié par un twist terre-à-terre. C'est appeler un pote pour venir t'aider à tabasser un mec, bah ça peut arriver, malgré tout. Bah voilà, oui, bah oui. Malgré tout, c'est con, hein, ça peut arriver. Et, bon, on cautionne pas, mais c'est possible. Voilà. Et, voilà. Et pareil, tous les systèmes de quêtes, un peu de succès et tout qu'il y a, tout est justifié par quelque chose in-game. rien n'est gratuit. Et en fait, finalement, il n'y a presque pas de surcouches vraiment purement menuing slash vidéoludique qui sont juste là parce qu'il y a besoin d'être là. C'est que tout est ancré in-game et à sa place dans le lore que veut nous imposer Yakuza 7, enfin Like a Dragon. Mais c'était déjà le cas dans les anciens Yakuza, c'est que c'est vraiment des jeux qui cherchent beaucoup à ce qu'on ne sorte jamais d'expérience. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est que Yakuza Like a Dragon ne vous fera jamais sortir de votre expérience avec votre très cher ami Ichiban. Et tout ce que vous vous ferez avec votre manette, même dans les menus, c'est quelque chose qu'en fait, techniquement, Ichiban est en train de faire sur son téléphone, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore dans cette licence, et encore plus dans ce Yakuza Like a Dragon qui est poussé encore plus, du coup. Et moi, ça m'a fait un bien fou que, du coup, ça puisse donner un petit vent de fraîcheur. Mais également, dans ce gameplay, vous allez dire, ouais, mais ça reste du tour par tour, c'est juste justifié, c'est du skin, finalement. Et non, parce que, en fait, vos personnages et les ennemis ne feront que de bouger, en fait. Tout le temps. Ils vont se déplacer tout seuls. Vous ne pouvez pas vous-même, ils vont se déplacer tout seuls. Et le positionnement va être ultra important dans l'espace. Parce que vous pourrez vous faire interrompre par d'autres, vous pourrez taper par derrière. S'ils sont au sol, vous allez pouvoir les taper plus fort. S'il y a des voitures qui passent, vous pourrez les pousser dessus ou inversement. S'il y a des grilles, vous pourrez pousser sur les grilles pour les faire tomber. S'il y a des vélos qui traînent, vous pourrez prendre un vélo pour le taper. Mais tout ça, en fait, vous c'est. Taper dans les vélos et faut se dire... traîne des dégâts. Voilà, pareil, c'est qu'en se déplaçant, s'il y a des obstacles, votre personnage va taper dedans. Et donc, si ça vole vers les ennemis, ça va leur faire des dégâts. Si vous êtes proche d'un ami qui vient de mettre au sol, vous allez automatiquement les taper au sol. Enfin voilà, c'est tout ce système de placement dynamique slash automatique va faire que le timing est hyper important parce que vous gérez pas les déplacements, vous gérez juste du coup les actions que vous lancez. Donc vous pouvez vous dire, là je suis mal placé, si j'attends un petit peu, ça se trouve lui va pouvoir aller là-bas et du coup je vais pouvoir taper lui. Ou alors si vous avez des dégâts de zone, vous allez pouvoir du coup voir, ça y est, bah là ils sont quasiment regroupés, paf, je lance mon dégât de zone. Et tout ce côté du coup timing va vraiment donner un dynamisme fou sans pour autant en faire un hybride comme sont les FF avec les ATB, qui sont des entre guillemets faux tour par tour, même si c'est le cas évidemment. Là c'est vraiment, tout le monde doit jouer un tour avant que les autres, avant de passer à un nouveau tour, comme Pokémon, comme Dragon Quest. C'est juste, ça va être lié du coup à votre stat de vitesse évidemment. Ça c'est le classique des stats. Hein. Mais au moins ça veut dire que, d'accord, lui il joue en prochain, mais du coup je peux essayer de le stun, ou alors c'est que je peux le taper lui et en parallèle de lui à lui, du coup je vais pouvoir faire des dégâts un peu splash sur lui et comme ça je vais pouvoir être sûr de le tuer avec tel personnage parce que ce personnage là il a moins d'attaque, c'est plus un défensif. Enfin voilà, c'est que vous pouvez vraiment construire votre groupe comme dans des, enfin vraiment comme des très bons RPG sur les jobs etc. Et en plus ce placement et ce timing du jeu donne vraiment une consistance assez incroyable. Et c'est, ça paraît rien, un peu comme ça, finalement, vous allez vous dire, ouais, mais c'est que du placement, c'est bête et méchant. Non, parce que, vu que tout ce qui est autour de vous dans l'espace a une influence sur le combat, le moindre réverbère, le moindre poteau qui traîne, ça peut avoir une influence sur ce que vous allez faire. Et donc, ça peut être à votre avantage, à votre désavantage, et il va falloir avoir une lecture de l'espace assez importante et pouvoir jouer sur ce placement pour pouvoir tirer à votre avantage les combats, les gagner, etc, etc. Mais encore une fois, c'est que pareil, si vous n'avez pas trouvé le JRPG, c'est déjà, il y a un mode de difficulté, il y a 4 modes de difficulté si je dis pas de bêtises, donc déjà vous... facile expert, ouais voilà, c'est 3 ou 4 en tout cas, donc dans tous les cas vous pourrez y aller. Et moi par exemple j'ai joué en normal parce que j'aime jouer dans des difficultés normales en fait, tout simplement, j'ai même pas le justifié, c'est ce que j'aime. Enfin, le jeu il a été fait pour cette difficulté. Non, puis même sans ce débat là, c'est que si vous jouez en expert, vous jouez en expert, si vous jouez en facile, vous facile, jouez dans le mode de difficulté que vous voulez à n'importe quel jeu, hein, c'est, chacun fait son expérience, ouais. Encore une fois. Et en fait c'est que peut-être le moment où juste vous jouez à ce que vous propose le jeu, donc moi par exemple en général ce que je fais, c'est que je fais les annexes puis je continue l'histoire etc etc etc. Je suis tout le temps au level. Si jamais je me fais péter le cul, c'est que j'étais dans des quartiers qu'il fallait pas que j'aille. On expliquera pourquoi. Mais outre ça, c'est que si je suis ce que le jeu entre guillemets me dit de faire, donc de les annexes, là j'ai débloqué des trucs, je vais les faire, puis je vais à mes points d'histoire. Je suis toujours au level. Je suis jamais en dessous. Je suis jamais au dessus. J'ai jamais eu à farmer. Le seul truc limite, mais ça on reviendra dessus, à farmer, ce serait peut-être l'argent plus qu'en tout cas l'XP, je trouve. Mais voilà, ouais. C'est un jeu en fait qui est ultra bien dosé dans ce qu'il veut narrer, et ça viendra avec le point qu'on va aborder tout de suite. C'est qu'en fait c'est un jeu, moi le premier mot qui me vient, c'est fluide, en fait. C'est vraiment un jeu qui va jamais vous dire là, faut que tu fasses une vraie pause en tant que jeu vidéo où tu dois farmer bêtement, te balader et taper des gens. Parce que techniquement, c'est vrai que ce serait incohérent dans l'univers, parce que bah, pourquoi j'irais juste m'amuser à taper des gens, c'est eux qui viennent t'agresser, donc je vais pas aller les chercher, quoi. Et du coup, ce qui vient avec ça aussi, c'est tout l'aspect découverte de cette ville qui est complètement à l'opposé de ce que proposait l'ancien Yakuza. Et là, je vais laisser Eric un peu en parler de comment on découvre cette ville de Yokohama, finalement. Bah, en fait, comment dire ça on la découvre aussi bien à cause de l'histoire, enfin grâce à l'histoire plutôt, qu'en déplacement libre. En fait, l'histoire, au fur et à mesure du temps, elle va nous permettre de monter en niveau. Et plus on aura un haut niveau, plus on pourra se déplacer dans certaines zones de la ville. Parce qu'en fait, chaque zone de la ville a un espèce de niveau de menace. Et selon ce niveau de menace, bah en fait, vous allez plus ou moins prendre cher. Donc moi dans les RPG, normalement, je suis un gros farmer et tout. Et comme disait Arthur, moi, pour le coup, j'ai pas vraiment eu besoin de le faire, vu que de toute façon, les gens viennent m'agresser. Et par exemple, hier, je jouais et j'ai voulu m'aventurer dans une ville, dans un quartier assez, assez loin quand même de là où tout se passe pour moi dans le jeu en ce moment. Et moi qui suis niveau 13, je suis tombé sur des niveaux 23. En un coup, ils allaient me... Bah, en fait, ils ont fait me tuer, quoi. Donc j'ai fui. Et en fait, on voit très bien que le jeu veut pas que t'ailles là-bas pour le moment pour une bonne raison. Mais ça n'empêche pas d'explorer la ville... librement. Parce que par exemple, j'ai visité des bâtiments tranquillement, j'ai découvert des coffres, des objets, des lieux vachement cachés, comme une zone où on fait du mahjong. Ah, donc ça m'a extrêmement surpris, mahjong, parce ouais. que c'est pas écrit sur la carte, tu dois le découvrir toi-même. Le fameux mahjong où je pense que je vais prendre des cours, hein, voilà. Ah, comme le shogi, comme le shogi. Ce genre de mini-jeu, je suis pas encore assez doué. Et donc oui, pour ajouter un peu. Enfin, les jeux asiatiques, pour le coup, j'ai du mal. Oui, bah c'est pas simple. J'ai pas été en Chine, non. Et pour rajouter un peu à ce que dit Eric, c'est en fait dans les anciens Yakuza, vous jouez un personnage qui connaît Kamurocho comme Japoche de base. Donc, vous arrivez dans une ville où vous avez déjà tous les points d'intérêt, vous n'avez pas vraiment à la découvrir, finalement, parce que bah, votre personnage la connaît. Et donc, ce serait un peu contre-scénaristique de la faire découvrir. Là, dans Yakuza Like a Dragon, je vais y arriver, Ichiban ne connaît pas Yokohama, donc forcément. Là, en fait, il y a ce qu'on appelle un brouillard de guerre. Enfin, en tout cas, moi, j'appelle ça à cause des RTS, mais... en gros, c'est la carte est grisée. Ouais. On voit juste les magasins sur la carte et le reste, les mini-jeux, les autres points d'intérêt, on les voit pas. Et en fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on découvre, bah, en fait, ça suit le personnage dans le brouillard et ça découvre la map, hein, tout simplement. Et il y a une triade, en gros, de mafieux, en tout cas, dans cette ville, qui vont gérer la ville. Et c'est que c'est pas juste gratos que certains quartiers soient, entre guillemets, trop forts pour nous. C'est parce qu'en fait, c'est les quartiers, c'est plus on s'approche des QG de ces trois entités, plus c'est renforcé en termes d'ennemis puissants, ce qui est normal parce qu'ils ont leur sécurité, en fait, tout simplement. Donc ça, pareil, c'est que même ça est justifié par le scénario, ça c'est cool. Et surtout, c'est que moi, par exemple, c'est que j'ai l'habitude, dans les open world, de ratisser la ville, les open world de A à Z, et après de commencer le jeu, techniquement. Ah bah pareil. Et en fait c'est quelque chose, moi je suis un mec classé des open world, je suis un vieux con un peu là-dessus, c'est que par exemple tous les open world d'Ubisoft ça m'ennuie, vraiment ça m'ennuie, ça m'intéresse pas du tout. Et là en fait Yokohama, déjà faut se dire que c'est pas une carte immense, vraiment ne vous dites pas ça va être 10 fois moins qu'un Breath of the Wild, 10 fois moins qu'un Assassin's Creed récent ou autre. Dites-vous, je pense que la carte en une demi-heure on fait le tour sincèrement. Une demi-heure, je veux dire, si on fait vraiment juste un cercle, je dis pas si on est tous les petites demi-heure. Je veux dire, c'est que si je devais traverser en diagonale, et encore on est à pied, hein. Voilà, c'est après, il y a les facile, en gros, la seule TP comme dans les anciens Yakuza, c'est les taxis, entre guillemets, quoi. Mais sinon, vous faites tout à pied parce que ça reste, voilà, c'est vraiment une ville à taille humaine. Donc, vous n'aurez pas non plus à marcher 10 ans pour faire point A, point B, etc. C'est ça qui est agréable dans les Yakuza de façon générale. Et donc là, en fait, c'est que moi, en fait, je suis mis un credo, et en fait, je sais pas si c'est le jeu qui me l'a imposé, parce que j'ai fait ça naturellement. C'est que dès que j'avais un point d'histoire ou d'annexe dans un lieu de la map, enfin, pas d'annexe, parce que j'ai des annexes là très loin, enfin, j'ai eu des annexes très loin dans la map où j'ai pas pu y aller tout de suite à cause des niveaux. Par exemple, si j'ai un point d'histoire principale dans un quartier que j'ai pas visité, et ben je me dis, ok, je vais visiter tout ce quartier, je vais pouvoir faire mon histoire principale. Et finalement, c'est que pour le moment, je pense que c'est le jeu qui est tellement fluide et qui est tellement dans la découverte, dans les yeux de ce personnage, que en fait, c'est tellement cohérent parce que il connaît pas la ville, il va pas les sentir dans des quartiers qu'il connaît pas, alors qu'il sait qu'il y a trois putains de gros mafieux, enfin de grosses associations mafieuses qui vont lui casser le fion, quoi. Genre vraiment. Et du coup, finalement, on découvre vraiment cette map petit à petit. Et le jeu, surtout, c'est il va vraiment vous offrir en fait petit à petit. Là au Kamuro Cho, on commence directement avec tous les 25 mini-jeux, les 25 annexes, les 25 000 trucs. D'un coup, on arrive, on a plein de trucs à faire. C'est moi ça c'est. En fait, il y a plus de découverte. Après, du coup, c'est au joueur de décider comment il joue. Vraiment, c'est vraiment au joueur de dire ok, je fais tout d'un coup, je fais tout petit à petit, je fais des pauses par-ci par-là, etc. C'est au joueur de voir. Donc voilà, ça c'est une façon de voir les choses. Là, dans Yakuza 7, le jeu va sans cesse se renouveler en vous faisant débloquer en fait des choses. Vous allez débloquer les invocations à un chapitre, vous allez débloquer les quêtes à un autre, vous allez débloquer tel mini-jeu à un autre. Et du coup, en fait, c'est que c'est le Yakuza, je pense, le plus, avec des grosses guillemets, guidé, en tout cas sur la façon de découvrir le jeu, qu'il y a. Et c'est pour ça que je trouve que c'est l'une des meilleures points d'entrée, donc la deuxième meilleure pour moi. On en parlera dans la deuxième partie pourquoi. Enfin, de l'autre, exactement, surtout. Mais parce que, justement, c'est que il va vous tenir par la main, mais sans vous dire « va là-bas, va là-bas, va là-bas ». C'est juste, vous allez avancer naturellement parce que, du coup, ce héros va découvrir la ville. Vous allez faire votre histoire et l'histoire va vous montrer un nouveau quartier où vous allez vous dire « ah ouais, ce quartier, ça a l'air cool, qu'est-ce que je peux y faire ?» Et du coup, vous faites ce quartier, vous voyez qu'il y a un nouveau truc, machin et tout. Et du coup, ok, j'ai fini ce quartier, je vais aller avancer dans mon histoire, etc. etc. Tiens, j'ai débloqué ce truc, j'ai débloqué ce mini-jeu. Et du coup, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment tester au fur et à mesure tout ce que peut vous offrir le jeu sans faire d'un coup une overdose et tout assimiler d'un coup. Du coup, tout va devenir naturel. Et à chaque fois que vous allez vous dire « Ok, j'ai tout compris, parfait, je continue le jeu », paf, le jeu vous dit « Attends, mec, j'en ai encore sous la botte », et paf, il rajoute une mécanique, il rajoute un mini-jeu, il rajoute un truc cool, et vous dire « Putain, c'est vrai qu'il y a quand même plein de trucs à faire, c'est trop bien sa mère, quoi. » Et c'est ça que j'aime dans ce Yakuza Like a Dragon et qui m'a vraiment conquis. C'est la cohérence et la fluidité de tout ce que propose le jeu, parce que tout est basé sur la découverte d'un nouveau monde, d'un nouveau gameplay, d'un nouveau tout, que ce soit parce que vous êtes un nouveau joueur qui découvre un jeu, parce que le héros découvre une nouvelle vie, parce que les anciens joueurs découvrent une nouvelle ville aussi, parce que le tout, en fait, c'est que c'est un jeu qui je pense qu'il va raconter beaucoup de choses, mais en mode, ok, on offre quelque chose pour tout le monde, personne n'est mis de côté, vraiment personne, que ce soit les fans, que ce soit les nouveaux joueurs, que ce soit n'importe qui, que ce soit ton gamin de 5 ans, peut-être pas donner un gamin de 5 ans à Yakuza, je crois que c'est à moins de 16 ou à moins de 18, donc calmez-vous, mais je veux dire, c'est que c'est un jeu qui accueille absolument tout le monde à bras ouverts, qui n'est pas du tout élitiste, comme pourrait l'être certains Yakuza, mais ce qui est normal, parce que si vous prenez Yakuza 4, ou 3, ou 2, ou enfin un Yakuza en plein milieu, après, et même Judgment, il a quand même beaucoup, il s'assoit beaucoup sur le fait que les gens connaissent Yakuza, je trouve. Même si c'est pas forcément vrai, mais on en parlera après. Mais voilà, Yakuza, c'est vraiment, il accueille tout le monde à bras ouverts avec une envie de faire aimer sa licence et son jeu à tout le monde, ultra bienveillante, avec des messages ultra forts sur tous les petits métiers, que ce soit les charpentiers et tout, les métiers un peu plus obscurs et illégaux, comme tout ce qui est travailleurs du sexe, un peu tout ça. Et c'est tout est bienveillant, tout ce qui est raconté dedans est bienveillant. La vie de la société. Voilà, les parents, tout ça. Il y a beaucoup de critiques de société, mais pas en mode oh non, la société ça pue la merde et tout. Tout est juste, tout est dosé, tout est bienveillant. Tout n'est pas positif, loin de là, parce que c'est un jeu très dur quand même, vous allez voir. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, c'est un point là-dessus, mais ne vous attendez pas à beaucoup jouer pendant les deux premiers chapitres. Le vrai jeu commence au chapitre 4, vraiment. Donc voilà, le chapitre 3 a une transition. Les deux premiers chapitres, ce sera beaucoup de cinématiques. Donc si vous le lancez, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vu la qualité de cette mise en scène aux petits oignons, ce ne sera pas grave pour vous. Voilà, c'est Yakuza 7, c'est un jeu de découverte qui va vous faire un câlin énorme, qui va vous dire regardez tout ce que j'ai à vous offrir, mais pas en mode il vous fout dans la gueule. Voilà, c'est pas comme si c'est, voyez ça comme aller la différence entre aller dans un gros bistrot où on mange très bien mais c'est plein de gros plats où du coup on se dit par où j'attaque, et un gastronomique où vous allez manger aussi très bien mais vous étalez ça sur 17 services et à chaque fois vous allez pouvoir savourer chacun de ces petits plats indépendamment. Voyez ça, ce sera ma métaphore pour ce jeu. Voilà, avec c'est la petite logique des plats qui suivent. Exactement, c'est que Yakuza Like a Dragon, c'est la gastronomie de ce que peut offrir à la fois la licence. Et que là, on le compare beaucoup à tous les autres Yakuza. Mais moi, j'aime plus, c'est que Yakuza 7 est devenu mon jeu préféré de l'année. Devant Persona 5 The Royal, alors que je suis un grand fan. Et, Oui, non, vraiment, moi, et surtout, c'est devenu, je pense, un de mes top 10 jeux all the time pour tout ce qu'il me raconte, pour tout ce qu'il veut. Et je pense que c'est un jeu très important, c'est un excellent JRPG tout court, pas juste un excellent Yakuza, et j'espère que beaucoup apprendront de ce qu'il réussit à compter dans un univers ultra réaliste, très actuel, avec des personnages très nuancés, qui apprennent et qui grandissent avec le joueur, tout en ayant un gameplay à la fois classique et très en avance sur ce qu'on aimerait voir dans le tour par tour. Donc vraiment, j'espère que Yakuza Like a Dragon se vendra très bien pour que déjà on continue de les avoir en français grâce à Core Media. On aura d'autres Yakuza, ça, j'ai pas peur pour ça, mais voilà. C'est que c'est un jeu et c'est des éditeurs qui font tout pour avoir de plus en plus de monde, contrairement à certains où par exemple, bah, j'adore Atlus, mais on voit bien qu'Atlus essaye de viser absolument juste ses fans quasiment et très peu ses nouveaux joueurs. Là, Ryuga Gotoku Studio, on sent une volonté de ok, nous on veut compter ça à un maximum de monde et ils arrivent à le faire. C'est que je dis toujours, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Bah là, bah après, ça reste du JRPG, donc forcément ça reste de niche malgré tout. Faut pas l'oublier, évidemment, ça reste du JRPG de niche. Mais ouais, même s'il y a du JRPG, toute la coquille autour, exactement, et tout le contenu qu'il y a, c'est que ça permet d'attirer quand même beaucoup. Ça veut vraiment prendre tout le monde par la main et que. Ça peut être votre premier JRPG. Vraiment, tout est tellement facile à comprendre dans le jeu, sans que ce soit facile, attention, mais tout est facile à comprendre. Ça peut être votre premier JRPG, ça peut être votre premier Yakuza, ça peut être votre premier jeu du genre. Vraiment, n'ayez pas peur d'essayer de lui donner sa chance, parce que, et je dis pas ça parce qu'on a reçu le jeu ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, je l'aurais acheté. Enfin, là, je veux mettre les points sur les i, c'est qu'on n'est pas du tout biaisé dans nos avis, loin de là. Ah non, non. J'ai adoré ce jeu de bout en bout, et il veut vraiment donner à tout le monde. Donc vous avez le droit de pas aimer, mais si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, c'est vraiment vraiment incroyable ce que le jeu veut vous offrir, en tout cas. C'est une grosse parenthèse, finalement. Ça, c'est clair. Toi, pendant qu'on est un peu sur le ressenti, comment t'as ressenti le jeu, toi, du coup, de ce Yakuza? Alors moi, comment j'ai ressenti le jeu? Là, par exemple, je suis au chapitre 4, donc après une bonne dizaine d'heures de jeu. J'ai fait beaucoup de quêtes annexes, donc en fait, toutes celles que je pouvais. Et là, si je devais décrire Yakuza Like a Dragon, pas 7, du coup, en fait, c'est une très bonne surprise, parce que l'histoire, au début, même s'il y a eu beaucoup de cinématiques, ces cinématiques, elles ont permis de mettre en place une histoire qui est quand même assez captivante. Du coup, ça m'a donné quand même encore plus envie de jouer. Enfin, dans un univers qui a été mis en place au bout de, je vais pas dire quelques heures de cinématique, hein, parce qu'il faut pas abuser non plus. Ouais, si c'est le cas. Mais de comment ? Si c'est le cas, les deux premiers chapitres, il y a bien, je pense, 2h30, 3h de cinématique. Hein. Ah bon ? Ah oui, il y a vraiment. J'ai plus senti comme 40 minutes que. Ah non, il y a beaucoup, hein, vraiment. Et donc bon, bah, bonne raison de plus, bah, si j'ai eu l'impression que ça s'est pas bien passé, enfin passé vite, c'est que c'est une bonne surprise, du coup. Et donc moi j'étais très, enfin moi au niveau du gameplay, enfin au niveau des jeux vidéo, je suis plus beats et maul dans la baston, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est vrai que toi t'es pas du tout un habitué tour par tour de base, en fait. À part Pokémon, par exemple, t'as fait beaucoup de tour par tour? Non, ouais, en vrai, j'ai fait Pokémon, ouais. Tu vois, il y a Final Fantasy XIII, mais comme tu disais, c'est un faux. Oui, après, ça reste du tour par tour, mais oui, effectivement, oui. J'avais commencé Persona 5. Oui, c'est vrai. Et là, c'est du pur tour par tour. Premier du nom. Là, c'est du pur tour par tour, même. Voilà, du pur tour par tour. Hein, mais du coup, obscur, t'as pas un gros backlog de tour par tour finalement. Donc c'est vrai que le côté JRPG aurait pu te rebuter finalement en première, au premier abord, presque. Bah ouais, puis c'est, je vais pas vous mentir, dans les JRPG à l'époque, ça, moi j'utilisais que des attaques qui faisaient mal, quoi. Je n'utilisais pas les effets spéciaux qui permettaient de baisser la défense, de renforcer l'attaque. Moi, c'était vraiment je bourrine, quoi. Donc, ce côté stratégique, j'ai été obligé de l'avoir, de le prendre que quand je me suis retrouvé à Final Fantasy XIII, tu vois. Parce que, bon, sans stratégie, tu meurs très facilement à partir de quelques chapitres. Mais voilà. Donc, moi, je suis passé d'un beat-zémolien, je ne sais pas si ça se dit, à un RPG. Et au début, ça m'a un peu fait peur, tu vois. Mais en fait, le fait que... Enfin, moi, dans ma tête, c'est dynamique parce que ça, les personnes bougent, tu vois. Oui. Ça m'a bien surpris et ça marche très bien pour moi. Tu vois, j'aime bien voir les petites interactions. Par exemple, tu sais, les personnages qui sont vers un vélo. Donc, un personnage qu'on contrôle, enfin, de notre équipe, il va prendre le vélo ou taper dans le vélo parce qu'il y en a un qui a une force physique moins supérieure que l'autre. Tu vois, des choses comme ça. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est un peu l'humour des Yakuza, c'est un peu les stéréotypes des ennemis, tu vois. Là, par exemple, en ce moment, je tombe souvent sur des otaku. Enfin, tu vois, moi qui en suis un, bah, tu vois, ça me fait très rire. Tu vois, c'est pas... C'est très bienveillant, comme je dis. Otaku, des concerts japonais, voilà. Tu vois, c'est vraiment pas pour descendre le... Tu vois, enfin, genre les otaku, OK, ils ont leur bâton... phosphorescent qu'ils utilisent en concert pour danser, tu vois, mais c'est pas du tout rabaissant, tu vois, c'est les otaku. Non, puis encore une fois, c'est que idoles, tu vois. C'est si vous, enfin, si les gens s'arrêtent vraiment à voir ces stéréotypes là, faut se dire que déjà tous les mêmes héros sont des stéréotypes à part entière. Et ce qui est bien, c'est que dans tous les jeux, et même dans les quêtes annexes, c'est que les situations, souvent vous voyez un stéréotype d'un personnage. Et il va tout de suite être cassé derrière en le nuançant et en le mettant dans une situation loin de ce que vous pensiez être au premier. Et il donne des belles leçons sur ne pas se fier aux premières apparences, par exemple. C'est beaucoup ça, les Katanex, dans ce Yakuza, je trouve. Puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que je crois que c'est l'un des rares jeux où tu te retrouves dans une situation... Enfin, je vais pas vous spoiler la situation du héros, mais le chapitre 3... Il est très dur. Honnêtement... Comment ? Il est très très dur, le chapitre 3, punaise. Il est très très dur, et puis les quêtes annexes à côté, il y en a certaines. Ouais, ouais. Bah, tu te sens pas très bien, quoi. Enfin, je suis peut-être un peu plus empathique que la moyenne, je sais pas du tout, mais. Moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas. Mais... Les parents, personne sans abri. Ah merde, j'ai spoilé là. Bon. C'est pas grave. C'est un peu de la quête annexe, donc vous inquiétez pas. Honnêtement, c'est pas tous les jeux vidéo qui en parlent aussi librement, quoi. Puis aussi bien. Comment ? Puis aussi bien, surtout. Puis aussi bien aussi. Et clairement, ça, c'est un jeu dans lequel je me suis beaucoup amusé, mais c'est quand même un jeu qui m'a aussi fait réfléchir avec ses quêtes annexes. Oui. Donc, tu vois, enfin. Les nouveautés aussi, du coup, que j'ai bien aimé, c'est aussi les thèmes de certaines activités, du coup. Justement, j'allais y venir. C'était que pour clôturer un peu nos avis sur ce Yakuza Like a Dragon, parce qu'on a fait un beau tour quand même, ça fait presque 40 minutes qu'on en parle. Je voulais faire juste en rafale un petit peu tout l'annexe. En gros, voilà, donc ce qui est quand même aussi le sang de la veine de Yakuza, c'est les mini-jeux et l'annexe. Donc là, on a moins, je pense, en quantité que les anciens, mais on a plus en diversité, en qualité, et que surtout tous les jeux, pareil, là, ont vraiment une influence sur le jeu, en fait. Parce que dans les anciens, les mini-jeux, c'était... Donc, par exemple, dans les Yakuza, on peut jouer à des jeux vidéo dans le jeu vidéo. On peut se taper à Virtua Fighter, on peut se taper à House of the Dead, dans les anciens, etc., des trucs... Donc là, Outrun, enfin les anciens voilà. Jeux sur la Sega Saturn, donc là, on retrouve des jeux vidéo comme Virtua Fighter et tout qui sont vraiment juste purement du mini-jeu, tout ça. Le Shogi par exemple aussi, c'est purement du mini-jeu. Mais certains vont pouvoir faire classiquement gagner de l'argent, notamment le Mahjong où finalement il faut parier, etc. Mais il y a vraiment des mini-jeux qui vont vous faire, parce qu'il y a un système comme dans les Persona un peu, déjà il y a des choix. Bon, après les choix c'est un peu plus anecdotique, mais sur ce que vous faites, vous allez du coup augmenter un trait de caractère de Ichiban. Et beaucoup de mini-jeux vont vous faire augmenter ces traits de caractère. Et les traits de caractère, c'est pas, ça va vous permettre de débloquer déjà certaines discussions et autres, mais surtout ça va vous permettre de pouvoir équiper certains jobs, certains équipements, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très important également. C'est moins important qu'un persona, mais c'est très important également. Et du coup, pas mal de mini-jeux vont pouvoir améliorer certains traits de caractère des Chibans via ce qui se passe. Mais si vous n'avez pas les mini-jeux, vous pouvez quand même améliorer ça via certaines quêtes de combat en fait, que vous aurez via d'autres choses à débloquer dans le jeu. Et ce qui est bien, c'est que le jeu, vous ne serez pas obligé de tout faire dans le jeu pour être à 100% dans tous les stats. Mais vous n'aurez pas non plus à farmer bêtement un truc, c'est que vous avez plein de choix possibles, vous avez plus que ce qu'il ne faut pour être à 100% partout dans le jeu, donc c'est à vous de faire votre petite cuisine, et finalement de jouer comme vous voulez pour en fait finalement pouvoir tout maxer. Et c'est ça qui est agréable, c'est que le jeu ne vous force jamais à rien à côté. Si vous voulez faire le full que du JRPG pur, vous pouvez, vous serez au max. Si vous voulez faire plein de mini-jeux, et finalement pas faire trop de combats et juste voir l'histoire, vous pouvez. Enfin voilà, c'est jouer comme vous voulez le jeu, et vous force à rien du tout. Mais tout a un sens, tout a un but, et tout est amusant. Et ça c'est cool. Et donc là, comme je disais, c'est qu'il y en a moins et plus qualitatif, et on a plein de mini-jeux très très addictifs. On a un système où faut pas, un mini-jeu où il ne faut pas s'endormir dans un cinéma, et encore une fois, la morale... parce que c'est vrai que c'est des vieux films, et on arrive en mode oh, les vieux films c'est chiant, et au final la morale c'est que c'était super bien quoi. On a un vrai centre d'études, on doit vraiment répondre à des vraies questions, genre il y a un truc sur, sur les pharmacies neurologiques, je sais pas quoi, et là j'étais là, nutrition, okay. J'étais là bah, ok, ça va être dur, mais voilà, c'est, on est dans la, dans la vérité du monde. On a le retour des karaokés, le retour du mahjong, le retour du shogi, enfin bref, on a énormément, on a le mini-jeu où on récolte des canettes, qui est incroyable. Enfin, il y a énormément de choses à faire dans le jeu, mais voilà, c'est que on a moins ce côté, on a 20 000 salles d'arcade, on a 20 000 jeux un peu dérivés les uns des autres, machin et tout. Là, vraiment, on a, je dirais, une grosse quinzaine de mini-jeux, tous différents, tous importants. L'un des qui est plus au cœur, ce sera la machine à sous, parce que Kouama est très connu pour ses machines à sous. Donc voilà, la machine à sous qui vont être finalement un peu le nerf de la guerre en termes de mini-jeux. Qui est un peu vraiment qui va manger du temps là pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans. Mais encore une fois, c'est que rien n'est obligatoire. Jouez comme vous voulez à ce Yakuza 7 quoi. Et ça c'est cool. Et voilà, ça revient dans cette fluidité où on se sent jamais obligé de faire quoi que ce soit, mais on a envie de tout faire. Et ça c'est beau. C'est guidé mais c'est libre. Enfin, exactement. C'est exactement ça. C'est légèrement, enfin c'est guidé comme n'importe quel jeu, mais c'est pas forcé. Ouais, mais c'est pas forcément guidé. Par exemple, après là, je vais prendre un exemple où c'est bien fait le fait qu'on soit ultra libre, ou même deux exemples. Skyrim et Breath of the Wild sont deux jeux je trouve excellents, mais où on n'est pas du tout guidé vraiment à 0%. Ah oui. À l'inverse, il y a des jeux extrêmement guidés excellents aussi. Bah, par exemple MGS 1 2 3 4, des choses du genre. Des jeux d'horreur où on est guidé de A à Z qui sont excellents, mais il y a des jeux où on est complètement livré à nous-mêmes, ou alors trop guidé dans un univers, par exemple, voilà, je vais me mettre des gens à dos, mais par exemple les Assassin's Creed ou les Horizon, on a vite fait soit d'être trop guidé parce qu'il faisait vraiment juste A, point B bêtement sur son fond de ce qui est au milieu, soit d'un coup on nous livre d'un coup une grande map, mais finalement on a à part récolter des plumes et des merdes du genre, on a rien à y foutre quoi. Donc, ouais, ça c'est clair. En fait, c'est que, après, c'est un avis personnel là, sur ces deux derniers, évidemment. Mais en termes de construction, Yakuza Like a Dragon, vraiment, il a un juste équilibre entre vous laisser vivre votre vie dans cette ville, vous dire, ok, il y a une histoire, du coup, entre guillemets, vas-y, mais je sens jamais vous forcer, encore une fois. Et du coup, voilà, vous êtes tellement dans un câlin que vous avez envie de faire ce que vous voulez, vous y allez. Et c'est pas frustrant parce que vous pouvez rien rater, y a pas de quête timée, etc. Vous pouvez pas rater de trophée, pas rater de quête annexe. Enfin, donc voilà, jouez comme vous voulez, profitez-en, faites votre aventure et ce sera sûrement une excellente expérience pour vous, je pense. Ouais. Je pense qu'on a. Oui. L'un des derniers, enfin, je vais pas dire l'un des derniers jeux de cette génération, mais. L'un des derniers gros jeux, en tout cas, pour le moment. C'est ça. Et moi, je pense que ce sera l'un des jeux qui m'aura le plus marqué sur cette génération de consoles, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ça... Enfin, moi, je l'ai pas terminé, mais il a le potentiel. Clairement, en 11 heures de jeu, j'ai vu plus que dans certains jeux que j'ai farmé ou fait en 20 heures ou 50 heures. Ah oui, clairement. clairement. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour sur le jeu malgré tout. Donc on espère avoir pu vous donner un minimum envie d'y jouer. Donc c'est disponible encore une fois sur toutes les plateformes sauf la Switch, en japonais ou anglais sous-titré français. Donc accessible à tout le monde. C'est sorti en physique, en démat, c'est dispo un peu partout. Donc faites-vous kiffer. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, on espère que ça vous donne envie. Et donc on va passer à la deuxième partie de ce podcast, qui est la licence Yakuza, au sens large du terme. On va peut-être prendre moins de temps que prévu, parce qu'on était un peu long sur ce Yakuza et Dragon, mais c'était le but. Donc on va juste un peu faire un topo sur la licence, et un peu nous ce qui nous a fait aimer cette licence, en fait. Parce que finalement, là, je pense que... Et on va, voilà, on va cadrer ça comme ça, c'est... qu'est-ce que Yakuza ? Pourquoi on aime Yakuza ? Ça va être bien comme ça. On a des lettres de gens qui ont aimé Yakuza qui nous dit pourquoi. Et ensuite, on ira sur comment commencer la licence Yakuza. Et je pense qu'on aura fait le tour un peu de comment vous donner un peu envie d'aller voir cette licence. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est un bon plan. Et bah allez, c'est parti pour ça. Est-ce que, mon très cher Eric, tu peux un peu nous parler de finalement ce qu'est cette licence Yakuza finalement ? Alors Yakuza, enfin en tout cas pour moi Yakuza, c'est une licence de beat'em all avec une très bonne histoire écrite en avant ou en arrière-plan et qui parle de l'histoire d'un quartier, donc Kamurocho comme on disait, et de toutes les entre guillemets bassesses qui s'y font. Donc quand je parle de bassesses, c'est bien sûr tout ce qui est un peu illégal, donc beaucoup même l'illégalité au Japon. Du coup on va très tomber sur les Yakuza, hein, voilà. Donc on va suivre un Yakuza qui va vivre moult péripéties, qui va faire beaucoup de connaissances au final, et qui au fur et à mesure du temps et des opus va voir l'évolution de Kamurocho et de tout ce qui l'entoure. Donc voilà, c'était mon synopsis court. Oui. Après, si tu as des choses donc, à ça rajouter. Une licence qui a commencé sur PlayStation 2. Donc, en 2005. Ça date 2005, PlayStation 2, avec ce premier Yakuza, dans le nom, avec notre très cher Kiryu. Donc Kiryu qui, comme on l'a dit, était le protagoniste de ce Yakuza 1 jusqu'à Yakuza 6, en passant par des spin-offs et même un épisode 0. Donc voilà, c'est, en termes d'opus, nous avons donc Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yakuza 0, mais également Kimawi 1 et 2, qui sont finalement des remakes du 1 et 2 qui étaient sortis uniquement sur PS2 et qui permettent de nous y jouer avec les nouveaux moteurs. Mais en gros, oubliez les jeux PS2, vous pouvez faire intégralement Yakuza sur votre PlayStation 4, votre Xbox, ou votre ordinateur, pas encore, parce qu'il n'y a pas encore le 3, 4, 5 de tête, ou le 4, 5, 6. Non, il n'y a pas encore le 3, 4, 5. D'ailleurs, si vous avez une Xbox One avec le Game Pass, vous avez Kimawi 1 et Kimawi 2 dessus. Et sur PS4, ils valent vraiment pas cher. Oui, et en plus, vous avez certainement réussi à l'avoir via du PS Plus ou des choses du genre, si vous les avez tous les mois, etc. Et en ce moment, si vous jouez sur PC, Kimawi 2 est disponible dans le Humble Bundle du mois, donc le Bundle Choice. Donc pour 12$, en plus de 11 autres jeux, vous aurez ce Yakuza. Dedans, il y a donc Kimawi 2 et Darksiders 3. Donc pour 12$, vous avez déjà Darksiders 3 et Yakuza Kimawi 2, plus encore 10 autres jeux à côté. Excellent. Et c'est pour la bonne cause. Donc n'hésitez pas. Alors oui, donc maintenant qu'on sait où un peu choper Yakuza, Yakuza, c'est vraiment, donc comme on disait, un beat'em all, mais très, enfin pas exigeant, mais voilà, très très dynamique. Pas juste on mâche des boutons, c'est il y a plein de possibilités. Et donc tous ces mini-jeux. Et un point important, c'est que pour moi, il y a vraiment deux personnages principaux dans les Yakuza, donc dans les avant Like a Dragon, c'est Kiryu, le héros, et Kamurocho. Mm-hmm. C'est comme Sex in the City, il n'y a pas quatre personnages principaux, il y en a cinq dans Sex in the City, puisqu'il y a la visite de New York. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et là, dans Yakuza, c'est pareil. En fait, au bout d'un moment, j'avoue que arrivé à Yakuza 6, notamment avec l'enchaînement Yakuza 6 et le classement Judgment, donc on reviendra là-dessus, j'ai commencé à avoir une overdose de Kamurocho. On va pas se mentir, j'en avais un peu marre de voir tout en Kamurocho. Mais d'un côté, voir tout l'évolution de cette ville, comment elle grandit avec Kiryu et avec la société, c'est ultra intéressant. Mais genre vraiment. Donc, je suis content qu'ils soient passés à autre chose. Ils ont réussi à clôturer cet arc Kiryu Kamurocho d'une manière magistrale. Et encore clôturé, je mets des points de suspension pour plein de choses. Mais vraiment, c'est. Voilà, on vit avec cette ville, on vit avec ce personnage. Et c'est, on va pouvoir vraiment grandir dans ce jeu. Et donc voilà, c'est que si vous aimez. Voilà, en gros, si vous aimez Yakuza, enfin, pour aimer Yakuza, c'est, je dirais que la vraie sauce pour les anciens, c'est aimer vraiment un peu les films noirs, un peu les films de Yakuza, les films un peu gangsters de gang, aimer les jeux d'action, en pur et dur, et aimer vraiment tout ce qui est un peu loufoque, etc., etc. Je pense que si vous aimez ces trois-là, vous avez votre jeu parfait pour vous. Clairement. Ouais, c'est un bon résumé, c'est une bonne mixture. Ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui, toi, te plaît dans Yakuza? Qu'est-ce qui t'a... Enfin, déjà, c'était lequel ton premier Yakuza? Déjà. Mon premier Yakuza, c'était Yakuza Kiwami. Donc c'était pas Yakuza 0 parce que je savais pas qu'il existait à l'époque. Ouais. Enfin, je venais d'avoir tout juste une PS4 et je savais pas tout, je connaissais pas tous les jeux. Et alors moi, ce qui me plaît dans les Yakuza, alors c'est bon, c'est en partie aussi parce que j'aime les open world, puis j'aime la baston. En fait, c'est le gameplay. Et quand j'ai appris, quand j'y ai joué, en fait, j'ai découvert les quêtes secondaires et l'histoire. Et je me suis rendu compte que l'espèce d'humour du studio et la manière dont ils racontaient leurs histoires et la manière dont le gameplay était fait pour se bastonner me correspondait bien. Enfin, je me sentais bien, en fait, quand je jouais à ce jeu-là. Ça me changeait de tous les open world, genre, on va les nommer, hein, mais genre GTA, tout ça. Moi, j'adore les open world, mais il manquait cette espèce de... Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pas une proximité, une intimité. Je sais ce que tu veux dire, ouais. C'est trop grand. Enfin, les choses de à taille humaine, quoi. Ouais, voilà, en fait... D'ailleurs, petit point, puisqu'on parle de GTA, je ne trouve pas, parce qu'il y en a qui le citent comme ça, je ne trouve pas que les Yakuza soient des GTA-like, d'ailleurs. Ah, c'est pas un GTA-like, Yakuza, c'est un Shenmue-like, à la rigueur. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas dit, mais Yakuza, c'est l'héritier de Shenmue, à 100%. Voilà. Vraiment, ah oui, c'est vraiment l'héritier de Shenmue. Et Judgment, il est même encore plus que les Yakuza, mais on en parlera après, mais vraiment, Yakuza, c'est la suite logique de ce que aurait dû être Shenmue 3 et ce qu'aurait été Shenmue s'il avait continué plus régulièrement. Et donc voilà, c'est vraiment des jeux à histoire, même si le gameplay est ultra important. Ouais. Et par exemple, s'il y a un jeu de mafieux asiatique qui est beaucoup plus un GTA-like, c'est Sleeping Dogs, par exemple. Exactement. Qui est excellent, par contre. Alors là, rien à redire là-dessus, mais voilà. C'est que c'est la meilleure façon de comparer, c'est que Sleeping Dogs est un GTA-like qui ressemble un peu à Yakuza, alors que Yakuza ressemble beaucoup plus à un Shenmue dans l'idée, quoi. Mmh. Exactement. Donc, et du coup, en fait, ce cocktail un peu explosif d'histoire loufoque, de gameplay important, ça m'a changé et j'ai beaucoup aimé, en fait. Avant, l'histoire dans les jeux, c'était pas trop mon... Enfin, si je devais classer les jeux comme je les, enfin classer les éléments des jeux comme je les classais à l'époque, c'était d'abord gameplay, histoire et graphisme. Et ben Yakuza, ça m'a permis de mettre l'histoire au même niveau que le gameplay, voire même au-dessus dans certains cas, tu vois. Oui, je l'entends. J'ai toujours été en mode dans jeu vidéo, il y a jeu et il y a vidéo. Donc moi j'ai toujours mis vraiment l'aspect histoire et en tout cas contexte, lore, etc. au même niveau que le gameplay. Après, encore une fois, ça s'applique qu'aux jeux qui ont une histoire, parce que par exemple des Mario classiques ou même des Mario même moins classiques, enfin on va pas se mentir que là c'est le 100% gameplay. Par exemple, pour un jeu de baston, ça va être 100% gameplay, évidemment. Mais pour les jeux d'aventure du genre, en tout cas, je trouve ça important qu'on ait un bel équilibre scénario et histoire et ne pas en sacrifier l'un pour l'autre, quoi. Oui, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est une question d'avis, évidemment. Après, il y a d'autres jeux où l'histoire m'a beaucoup plu aussi. Hein. Enfin, ah oui, non, mais de toute façon, encore une fois, chacun... On va pas parler des Kingdom Hearts, mais tu vois... Mais après, encore une fois, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité au niveau des jeux vidéo. On préfère certaines choses et d'autres. C'est ce qui fait que tous les jeux marchent, entre guillemets, quoi. Donc tant mieux. Oui, voilà. Du coup, moi, je vais parler un peu de mon expérience. Moi, mon premier... Alors, j'ai joué à Yakuza 1 PS2 quand j'étais petit, mais je peux pas considérer vraiment que c'était mon premier parce que j'y ai joué, j'ai pas fini. J'ai pas dû jouer très longtemps, mais voilà, c'était un. Puis j'étais trop jeune, je pense, pour vraiment appréhender ce qu'était Yakuza à l'époque. Et c'est normal, hein, vraiment. Vraiment. Oui, bah oui, pour le coup, oui. Et du coup, mon premier nouveau. Enfin, mon nouveau contact après avec Yakuza, moi, du coup, bah, j'ai pris un peu au milieu, malheureusement. Bah, c'était moi, Yakuza 3, du coup, le premier sur PS3. Donc, je suis arrivé avec ce Yakuza 3. Du coup, j'étais un peu perdu au début, j'avais lu des résumés des deux premiers. Puis par contre, après, j'ai fait 3, j'ai fait 4, j'ai fait 5, 6, j'ai fait les Kimaui 1, Kimaui 2, Yes 0. Finalement, du coup, j'ai pu tout rattraper ma licence, donc je suis content. Ouais, c'est ce Yakuza 3, et je sais pas, il m'a happé. Moi, pourquoi j'aime Yakuza, c'est pour beaucoup de mêmes points que toi, mais voilà, c'est ce côté très franc sur ce que ça veut dire. C'est vraiment, ça prend pas de détour, ça cherche pas à enjoliver les choses, c'est que. Ouais. Si y a quelque chose à dire, ça le dit, ça le montre, c'est graphique, c'est dit dans tout ce que ça veut, dans tout ce que ça veut, quoi. Et tout ça dans un englobage en plus où on a quand même tout le fun des mini-jeux, le fun du gameplay, le fun de la ville, et tous ces personnages hauts en couleur, super bien écrits, tout ça. C'est vraiment un cocktail qui, moi, m'a fait vraiment, qui m'a fait exploser. C'est vraiment ce côté. On nous conte quelque chose d'hyper important, de souvent très grave et tout, sans prendre de pincettes. Et avec tout ça, je vais pas dire on l'édulcore, mais on l'assaisonne de plein de fun qui nous donne envie, qui nous fait nous amuser énormément, quoi. Que ce soit dans son gameplay pur ou dans les mini-jeux. Et c'est toute cette euphorie qu'il y a autour qui, moi, m'a dit, bah ok, bah, Yakuza, c'est génial, quoi. Et j'ai jamais été déçu parce que pendant longtemps, je pense que Yakuza 4 a été mon préféré. Et je vais dire pendant longtemps parce que maintenant c'est devenu le 7, hein, évidemment. Oui, bah oui, voilà. Mais voilà, je trouve que Yakuza, vraiment, c'est une très belle licence et que je me suis jamais dit un épisode, oh, c'est nul, là, il sert à rien. Jamais, jamais, vraiment jamais. Et ça, c'est assez rare pour le notifier. Genre vraiment, quoi. Ah oui. Donc voilà, c'est Yakuza, c'est tout ça qui va me faire l'aimer énormément, quoi. Je vais lire un peu, du coup, des mots qu'on m'a donnés pour. De fans, donc j'ai demandé sur le Discord de Tokusatsu. Du coup, je vais aller chercher ses avis et je leur ai demandé pourquoi eux-mêmes aimaient cette licence qu'est Yakuza finalement. Et donc, Ah bah, la parole aux fans. la parole aux fans, on est également des fans malgré tout. Et... Alors, donc là, on a l'avis de quelqu'un qui n'a juste pas fait le 5 et donc Like a Dragon. Donc c'est quand même beaucoup des cousins, on va se mentir. Ah bah oui. Alors il nous dit que lui, ce qu'il aime vraiment, du coup, c'est l'ambiance de fou et l'histoire. Et du coup, comme il dit, l'habituelle ambiance de l'annexe de Yakuza qui se mélange bien avec le tout. Des personnages inoubliables et un jeu qui oublie pas d'être un jeu. Et ça, il adore. Kamurocho est un lieu fascinant à redécouvrir à chaque itération. Avec les autres lieux du jeu. Et c'est vrai que je le rejoins beaucoup sur le fait que Yakuza n'oublie pas d'être un jeu. C'est vraiment, s'il commence à avoir trop, entre guillemets, de cinématiques, il va toujours te rappeler, ok, je suis un jeu, et tiens, prends cette phase dans la gueule et amuse-toi, quoi. Et ça, je trouve ça cool, c'est qu'il cherche jamais à vouloir te faire chier trop longtemps, quoi, entre guillemets. Ouais, oui. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, c'était Lane sur le forum de la Discord de Kusasu qui nous disait ça. Ensuite, on a donc ensuite c'est un gros message et donc ce sera le dernier de Marvin, le créateur du Discord, qu'on embrasse hein, évidemment. Alors, donc en dehors de quelques bouts du 1 sur PS2 à l'époque, il a surtout joué et d'ailleurs il est encore dessus en ce moment au 0 et il kiffe vraiment bien pour plein de trucs. Premier point, l'ambiance en ville. Surtout la nuit, avec un sens du détail assez ouf au niveau des décors, malgré les limitations de la zone du moteur. On s'y croirait, vraiment. Ils ont réussi à rendre ça pas mal vivant, et je me suis surpris à me balader en ville sans réel but, ou alors des petites quêtes annexes, entre guillemets, mineures. Limite en maintenant RB pour marcher et juste, encore une avec des guillemets, avancer dans les rues de nuit pleines de néons et de passants qui font leur petite vie. Et c'est vrai que dans Kamurocho, l'euphorie de la nuit dans la ville est assez incroyable et assez palpable, quoi. C'est vrai, ça c'est clair. Ça change de, bah, des, fin, des autres open world, tu vois. Ah bah oui, clairement, il a une vraie âme. Et du coup, Yokohama, c'est l'inverse, où du coup, on préfère moi, je préfère jouer de jour, parce que en fait, le jour dans Yokohama, c'est les Yes Life, littéralement, qui vont être de sortie. Ouais. Et la nuit, ça va être ce qu'ils appellent, entre guillemets, le bas peuple. Voilà, ça va être les gens plus défavorisés, les métiers de la nuit et tout. Mais pas dans le mode, on rend ça funky comme à Cameroad Show, et c'est une ambiance totalement différente qui est également très agréable, quoi, je trouve. Mm. Donc ensuite, il dit, deuxième point, les personnages et l'histoire over the top, mais jamais trop. Du moins, dans ce que j'ai fait, mais j'approche de la fin. Les persos principaux sont attachants. Il y a un casting vraiment chouette avec une bonne mise en scène dans les moments importants, et même si tu peux te perdre dans la ville avec ses activités annexes, le trop principal du scénario est toujours accrocheur, arrive à toujours relancer la machine efficacement. L'alternance des... Ouais, parce que dans le zéro, du coup, il y a deux personnages. L'alternance des deux persos dans le zéro égale idée au top. Et c'est vrai que le zéro a une grosse force d'avoir deux personnages principaux quand même. Ouais, surtout que l'autre personnage principal est quand même assez ouf. Et oui. Des fans. Et enfin, puis les bastons, toujours péchu, et les musiques qui vont avec, quel panard. Il y a vraiment une ambiance générale de fou dans ce jeu. Tout est 5 étoiles. Et j'aurais pas dit mieux pour finir son point, quoi. C'est littéralement tout est 5 étoiles, quoi. Tout le temps, c'est hallucinant. Je le rejoins là-dessus, là, pour le coup. Donc voilà, c'est un peu des lettres d'amour au jeu. Mais maintenant, c'est quels sont les points d'entrée de cette licence Yakuza. Moi, j'en vois 5, malgré tout, ce qui est beaucoup. 5 hein, J'en vois 5. Ouais. On va d'abord parler du début, évidemment. Il y a deux points de départ pour le début de Yakuza. Il y a deux écoles. C'est vraiment soit Yakuza Kimaui 1, du coup, donc les remakes du 1. Simplement parce que c'est le début de l'histoire, c'est Kiryu, c'est tout ça. Ou du coup, Yakuza 0, qui est un préquel à Yakuza 1. Mais moi, j'ai préféré le faire après, parce qu'il se construit vraiment comme un préquel, et du coup, il fait des callbacks à des choses qui se passent un peu dans Kimaui 1, je trouve. Mais il se joue également même sans ça. Et donc, en fait, c'est comme vous préférez, c'est que beaucoup de gens font 0, puis 1, puis Kimaui 1, puis Kimaui 2, etc., etc. Ce qui est une très bonne façon de faire. Après, c'est si jamais vous avez déjà Kimaui 1, par exemple, ou notamment avec Game Pass, parce que je suis pas sûr que le 0 soit sur Game Pass, n'hésitez pas à faire Kimaui 1. Et si vous avez aimé Kimaui 1, et pas vous passer au 0, par exemple. Donc là, ça va être plutôt en mode, si vous n'avez aucun jeu acheté ou en abonnement ou autre chez vous de Kiyakuza, je pense que commencer par le 0, c'est bien, comme ça vous êtes bien dans la timeline. Mais si vous avez déjà si vous avez Game Pass ou déjà Kimaui 1 quelque part en boîte ou acheté par un bundle ou avec le PS Plus ou autre, et foncez pour Kimaui 1 et après vous ferez 0. Ça marche dans les deux sens, vraiment. Ce sera très très bien comme ça. Et donc ça, c'est pour commencer vraiment en termes de timeline pur et dur de tout début. Ensuite, comme on le disait, y a Yakuza Like a Dragon qui est un nouveau point de départ parce qu'il a introduit plein de nouvelles choses. Je pense qu'on a assez dit pourquoi précédemment, mais voilà. Dites-vous que vous pouvez également commencer directement par Like a Dragon, et pourquoi pas après rattraper les anciens Yakuza. C'est également complètement possible. Ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, je pense que c'est même fait pour. C'est ce qu'on disait, il prend par la main, quoi. Ensuite, en quatrième, on l'a évoqué surtout, c'est Judgment. Judgment, c'est un spin-off de Yakuza, notamment de Yakuza 6 surtout, où on joue un ex-avocat qui est devenu détective. Voyez ça comme le crossover entre Ace Attorney et Yakuza. C'est vraiment Phoenix Wright qui fait du kung-fu. vraiment, c'est incroyable, c'est que c'est aussi bien un jeu de détective slash avocat qu'un jeu Yakuza en tant que tel. Et du coup, c'est un jeu qui a une histoire pure et dure à lui, début, une fin. Et donc là, vous pourrez tester un jeu entre guillemets unique. Ou par exemple, si vous testez Yakuza Kimaui 1 et vous avez pas aimé, vous allez vous dire, ouais, mais du coup, il y a quand même la suite et tout, ça se trouve, j'aimerais bien le savoir. Là, au moins, Judgment, c'est que dans tous les cas, vous avez un one-shot à faire d'un coup qui se termine. Et si vous aimez Shenmue, je pense que c'est le plus proche de ce que vous aimerez en termes de jeux vidéo. Vraiment. C'est vraiment le plus Shenmue de tous les Yakuza. Et c'est un jeu qui est incroyable et pareil, qui a une histoire folle à l'intérieur et qui, vraiment, c'est début, fin et il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Et enfin, le dernier. Et qui sera le plus étonnant, je pense, pour vous, c'est le jeu Okutonoken fait par justement, le studio. Donc, c'est. Feast of the North Star. Lost Paradise. Lost Paradise. Et qui, en fait, est un jeu Yakuza avec un skin Okutonoken. Donc, si jamais vous êtes fan de manga et notamment de Okutonoken et que vous voulez voir un peu ce que c'est l'ambiance et le gameplay Yakuza, et ben vous le lancez. C'est un excellent jeu Kotonoken, mais c'est également un Yakuza pur sang. Et après, vous vous direz, ok, c'est cool, let's go pour faire Yakuza, quoi. Et je pense que c'est un excellent point d'entrée également. Je sais pas si tu me rejoins sur l'avis. Alors, oui et non, en fait. Ok, bah je vais te virer, oui, en fait. Oui, du coup. Comment ? Je vais te virer, du coup. Ah bah d'accord. Okay. Au revoir. Hein. Salut. Hein. En vrai, en vrai, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui veulent découvrir un peu, bah, tu vois, un peu de Yakuza et puis aussi revivre une histoire de Kotonoken, tu vois. Enfin, donc, les fans de Kotonoken, je vous le conseille vraiment. Enfin, je l'ai fait, je l'ai... Enfin, j'ai fait 61% du jeu, donc je l'ai quand même poncé en 60 heures. Et c'est un très bon jeu, pour le coup. Mais par contre, si vous voulez jouer à un Yakuza, vous découvrir je vais pas dire un vrai Yakuza, mais un Yakuza pur sang, comme tu disais, c'est pas forcément le bon jeu, parce que faut pas jouer à ce jeu-là pour jouer à un Yakuza, en fait. Oui, non, comment, c'est juste qu'il a quand même l'esprit et le gameplay Yakuza quand même au cœur du jeu, quoi. Ah oui, oui. C'est ça que je veux dire. Mais faut, et même les mini-jeux, et même dans les mini-jeux, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie des mini-jeux qui sont liés des mini-jeux qui sont dans les anciens Yakuza, enfin dans les autres Yakuza, mais faut pas se dire... si par exemple vous y jouez alors que vous n'êtes pas forcément fan de Kotonoken, faut pas vous dire que tous les Yakuza seront comme ça non plus, quoi. Oui, non, bah, évidemment. Voilà, tu vois, quelqu'un aurait pu le prendre en se disant bah ça ressemble à Yakuza, c'est avec Kotonoken, ça peut être cool, et finalement ne pas aimer et puis se dire que tous les Yakuza sont pareils, tu vois. Oui, bah évidemment. Mais si vous aimez Kotonoken, vous aimerez Yakuza, c'est ce que je veux dire surtout, quoi. Oui, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur le sujet de la licence Yakuza, en tout cas. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. Une bonne heure, je crois, même. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. Là, comme ça... Si. Alors, au mois de décembre, donc début décembre, le studio Ryuga... Non. Enfin bref, le studio qui s'occupe de Yakuza vont annoncer un nouveau jeu. Donc, je vous invite à attendre un peu et à vous informer sur le net. Et ça sera sans doute le dernier jeu, à mon avis, de cette génération. Et puis le premier jeu de la next gen. Ah non, il y a Yakuza Like a Dragon sur les nouvelles générations. Non, il est en portage. Il est en portage, comme je disais au début. Ah, il est en portage. Oui. Bah alors du coup, ça sera un vrai jeu, pas en portage, sur les prochaines générations. Bah, sur les nouvelles générations. Enfin, sur la nouvelle, en fait, tout simplement, vu qu'elle vient de sortir. Et oui. Mais voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite et à la fin de ce podcast avec, du coup, les derniers tests et nos recommandations. Et pour ça, on va invoquer notre très cher ami Yannick. Et bah, Yannick nous a rejoint. Bonjour Yannick. Et salut Arthur, salut Eric. Comment ça va Yannick ? Ben, ça va très bien, et vous deux ? Comment ça s'est passé ? Eh ben très très bien, j'espère que ça plaira à tout le monde. Ah ben j'espère aussi, j'écouterai ça avec attention. Eh ben j'espère bien. C'est donc l'heure des recommandations. Pas trop de spoilers ? Aucun. Ok. Absolument aucun. On a fait spoiler free exprès. Ah nice. Et donc c'est l'heure des recommandations, donc c'est l'heure du petit jingle. Waouh, la prise ! Un requin ! Ouais. Et oui, et qu'est-ce qu'on a pris comme bonne prise, nous, pour ce super podcast ? Je vais laisser notre très cher Yannick commencer, vu qu'il vient d'arriver. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour cet épisode ? Alors, en vrai, je vais pouvoir recommander Persona 5, vu que je suis arrivé à sa fin, quasiment. Wow, incroyable, on peut applaudir. Eh, incroyable. C'est beau, bravo. Incroyable. C'est pas bon du tout. Aïe, aïe, aïe. Il est où ? De quoi ? Ouais, il a fini, ouais. Bravo, bravo. Terrible. On applaudit. Hein. Mais très bon jeu, très bien écrit, très bien réalisé aussi, bonne DA. Je pense que j'approche vraiment de son terme, donc il doit me rester à peine 1 à 2 heures de jeu, je pense. Mais un gameplay très complet, tout ça, quoi. Enfin, je pense que, du coup, pour ceux qui ont déjà fait la série, ça ne sera pas une grande surprise, mais en soi, pour moi qui ai découvert la série avec cet opus-là, Eh ben, c'était une très bonne surprise. Qu'est-ce qui t'a conquis dans le jeu finalement ? En vrai, au final, c'est surtout l'écriture des personnages que ouais. j'ai trouvé vraiment très bon. C'est souvent la force des liens. Et c'est surtout en fait les liens que tu vas créer avec eux tout au long, qui fait que, au final, tu t'attaches à eux et quand l'histoire te met des bâtons dans les roues ou quand tout semble plus compliqué. Quand tu as des moments qui sont vraiment compliqués, le jeu, même dans les moments les plus bas moralement, il trouve le moyen de t'émouvoir et en même temps de trouver un équilibre en te disant certes, là, tu es au plus bas, mais en fait, t'inquiète pas, tu peux aller mieux moralement et tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est un jeu qui se veut beaucoup moins défaitiste sur ça, en tout cas, que d'anciens personnages, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ok. Bon, c'est cool. Donc, c'est cool que ça t'ait plu. J'espère que la fin te plaira et que si tu te lances dans d'autres personnages, ils te plairont tout autant, en tout cas. J'espère. Et donc, c'est disponible où, Persona 5 ? On peut y jouer sur quelle plateforme ? Sur PS4 de sûr. Oui. Je ne sais pas s'il est sorti sur Xbox One. Non. Et ni sur Switch, ni sur autre plateforme. Donc, ça va être PS4, du coup. Oui. Ah, et PS3 aussi. Et PS3, ouais, exactement. Ah, oui. Et il y a la version Royale qui est sortie qu'on avait déjà recommandée. Ah oui. Pendant le confinement. Et Persona 4 Golden est sorti sur Steam il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, vous avez plein de Persona que vous pouvez faire. Voilà. Mon très cher Eric, qu'est-ce que tu vas nous recommander ce podcast ? Moi, je vais. Je te coupe en plus. Oh là là, oh là là, le salaud. Eh oui, oui. Alors moi, je ne vais pas recommander un jeu vidéo, mais je vais recommander un animé. Oui. D'où le nom de l'émission, c'est cool. Eh oui. Incroyable, hein ? Quelle coïncidence, hein ! Et en plus, là, on va avoir une coïncidence encore plus flagrante, parce que tout à l'heure, on parlait de Dragon Quest, du coup. Oui. Et moi, c'est un animé Dragon Quest que je vais vous conseiller. Putain, on est vraiment des suceurs de Koch Media, c'est incroyable. Je pense, hein. Mon Dieu. Donc, en fait, c'est Dragon Quest, l'aventure de Dai. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'adaptation du manga éponyme. Bien vu. Et du coup, je sais pas s'il y avait un animé sur cette licence auparavant. On a déjà eu un anime à l'époque, mais qui faisait loin de faire tout le manga. Très très loin. D'accord. Bon là, je pense qu'ils vont faire tout le manga. Oui, c'est prévu. C'est parti. C'est ouais, ok. D'accord. Et du coup, j'étais grave surpris. C'est mon premier, on va dire, Dragon Quest. Oui, toi, t'as jamais joué à Dragon Quest de base. J'ai jamais joué à Dragon Quest, donc ouais. Là, du coup, c'est vraiment ma première entrée avec la licence Dragon Quest. Ouais. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est vachement dynamique. L'histoire, elle a un sacré potentiel. Et elle m'a même donné envie d'avoir un préquel en fait sur ce qui se passe bien avant ce Dragon Quest-là. Ah ouais, genre Dragon Quest 1, quoi. De toute façon, je m'y connais pas en Dragon Quest. Donc, Par exemple, au hasard. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite des aventures de Dai. Voilà, c'est frais, c'est dynamique. Dans les premiers épisodes, il y a un combat qui était vachement ouf contre un robot. C'est vachement cool. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder, regardez Dragon Quest, l'aventure de Dai. La quête de Dai. Oui. Ah bah d'accord, la quête de Dai, tu vois. C'est Dai no Dai Boken en japonais, il y a un petit jeu de mots évidemment. Et c'est disponible où, mon très cher Eric ? Alors c'est disponible sur Crunchyroll et sur ADN. Donc oui. Deux services de plateforme, deux services de streaming online. C'est ça, de simulcast. Moi j'ai mon grain de sel hein, évidemment, parce que pareil, moi je suis un grand fan de Dai et Dragon Quest de façon générale. Nouvelle anime et très très belle nouvelle anime, vraiment c'est excellent, c'est beau, c'est dynamique, ça reprend bien ton temps mais ça va pas trop vite, c'est ultra fidèle au manga, donc vraiment j'ai très hâte de voir les grands moments du manga, et si pour le moment vous n'aimez pas Pop, vous allez très vite vous tromper parce que c'est le meilleur perso de cette série en tout cas. Donc voilà, disponible sur Crunchyroll et ADN en tout cas pour tout le monde. On est à 6 ou 7 épisodes, je ne dis pas de bêtises, et sûrement environ 10 de plus parce que j'aurais mis du temps à monter ce podcast évidemment. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Dragon Quest, mon cher Eric ? Oh bah non, non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Donc moi, je vais partir sur ma recommandation qui est un Ulule. Et oui, nouveau podcast, nouveau format à chaque fois, hein. Évidemment, le play classique. Mais qui était un Ulule pour ce que une maison d'édition de manga qui s'appelle Tsubomi. Maison d'édition de manga entièrement numérique française, portée en égérie et en créateur, en fait, simplement par le copain l'ermite moderne, donc de le vidéaste youtubeur, etc., spécialisé en tout cas dans la pop culture également japonaise, qui se lance dans cette aventure avec deux autres personnes, dont un ancien scénariste, etc. Et donc, ils ont pour objectif de lancer une application de lecture online par abonnement. Du coup, de manga, mais ces mangas sont disponibles uniquement sur cette application. Ils ont parcouru pendant 3 ans le Japon à la recherche là, de 15 auteurs, petits auteurs du coup japonais, mais bourrés de talent, et donc de les éditer et donc de les traduire pour les proposer à la France, le tout en simultrad. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un chapitre sort au Japon, il sort également chez nous. Donc, là, déjà 15 auteurs de signés, on a déjà des planches visibles. Ça a été du coup financé déjà, on est à 150% à l'heure où on enregistre, donc en moins d'une semaine, et donc ce sera un système d'abonnement où ce sera 5€ par mois et vous aurez l'accessibilité à l'entièreté du catalogue, et donc c'est sur Ulule, donc qui dit Ulule dit financement participatif, mais si vous n'avez pas trop ça, dites-vous que le moins cher est à 10€, et en fait vous donnez 10€ et ça vous donne du coup 2 mois d'abonnement à la sortie, donc finalement vous vous abonnez juste 2 mois entre guillemets à l'avance. Et c'est pareil pour chaque palier. Donc moi, j'ai par exemple mis 35€. J'aurai donc 7 mois d'abonnement. Et en plus, avec tout ça, j'ai le droit à un poster, une affiche métallique et les bêtas, par exemple, de l'application. Donc l'application, dans tous les cas, vous l'aurez. Donc là, même si vous ne voulez pas backer, finalement, c'est déjà à 100%. Donc vous pouvez attendre, elle sortira normalement au printemps 2021. On en reparlera à ce moment-là à la sortie. Et vous pourrez alors tester à ce moment-là, n'hésitez pas. Mais voilà, ça s'appelle Tsubomi, c'est sur Ulule. Il reste donc sûrement plus beaucoup de temps à l'heure où c'est monté, mais à l'heure actuelle, 28 jours environ. C'est une excellente initiative, en tout cas, pour soutenir de nouveaux auteurs japonais. Et j'avoue, avoir une petite envie de voir s'ils vont aller vers les Français aussi, ça peut être cool. Il y a des projets peut-être de physique suivant l'engouement de la chose. Et vraiment, ça risque d'être assez huge dans l'univers de l'édition. Et de pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et de lire ses premiers du coup chapitres disponibles au printemps 2021. J'espère ne pas être déçu, en tout cas j'ai couru sans vous les gars. Have fun. Est-ce que vous, ça vous botte un petit peu comme idée, cette fameuse plateforme de petits mangaka en simultrad en France? Alors, en soi, oui, moi, ça peut m'intéresser, mais j'ai déjà tellement de retard partout que finalement, j'aurais pas le temps de me lancer dedans, mais ça semble être un beau projet, en tout cas. Ouais, mais après, dis-toi qu'au printemps 2021, tu seras peut-être à jour partout. Je terrible, suis pas ça. Si sûr de ça. Terrible ce qui vient de se passer. Et toi, Eric, ça t'intéresse un petit peu de découvrir finalement peut-être des mangakas un peu plus, on va dire, obscurs? Bah, je sais pas. J'estime que moi j'ai un espèce de retard un peu culturel au niveau de plein de choses. Donc autant ça pourrait m'intéresser, mais je sens que si je me mets dedans, ça va augmenter mon retard de manière exponentielle. Mais bon, me connaissant, je pourrais prendre la décision un jour de totalement m'abonner. Tu vois, c'est oui, mais finalement, il y a un potentiel. Tu vois. Si tu ne commences pas Day One dessus, tu vas prendre du retard dessus finalement. Donc c'était qu'un retard de plus. Ouais, vu comme ça. Finalement. C'est marrant, tu pourrais travailler dans le marketing de l'application. C'est étonnant. Hein. Tiens. Je peux prendre un pourcentage si vous voulez, les gars, il n'y a pas de souci. Mais. Tiens, genre double. C'est ça. Mais ok, bah du coup, merci de niquer ma recommandation, c'est super cool. En tout cas, voilà, Tsubomi, c'est. Un plaisir. Voilà, c'est Tsubomi Édition, c'est sur Ulule. C'est déjà financé. Donc voilà, si vous voulez aider maintenant, n'hésitez pas. Si vous voulez attendre printemps 2021, n'hésitez pas, on en reparlera à ce moment-là. Et on va voir ce que ça donne d'écouter à la sortie. On va du coup passer maintenant encore à un plan Core Media. C'est vraiment leur podcast aujourd'hui. On est leur petite chienne. donc, ils nous ont envoyé 2 jeux pour qu'on puisse tester. Un à Yannick et un à moi. Et donc, je vais lancer le jingle et je laisserai commencer Yannick sur son petit jeu. T'es qui toi ? Bah je suis Koch Media. Et oui, c'est évidemment Koch Media, Core Media comme vous voulez. Yannick, De quel jeu oui. tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de Mad Dead. Oui. Donc, en gros, qui est développé et édité par Nipponichi Software, hein, ou Nice dans le jargon. C'est Nice America, donc, comme on dit, oui. Ouais, c'est Nice America, entre autres. Donc, en France, qui est édité du coup par Core Media. Et c'est un jeu où on n'attendait pas forcément Nice, puisque en fait, il s'agit d'un jeu de rythme, de plateforme et d'action en même temps. D'accord. Là où ils sont plus habitués à proposer des visual novels, voire des visual novels les plus proches du RPG, en fait, au final. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu un terrain inattendu. Et au final, ils proposent un jeu qui est fort sympathique, qui n'est pas très très long, qui doit durer une dizaine d'heures. D'accord. Mais... dont l'histoire, c'est on contrôle un rat en fait qui a subi des expérimentations humaines. Il est mort et en fait on lui offre la chance de revivre sa journée pendant sa dernière journée, avec pour but final de tuer l'être humain qui lui aurait fait des tests. Et du coup, on va mener cette petite quête pendant une dizaine d'heures en suivant plusieurs rythmes musicaux, avec une difficulté qui est exponentielle, mais qui va aller chercher des petits moments de difficulté au sein même des propres niveaux au final. Donc la musique évolue vraiment, le gameplay évolue aussi tout autant. Et en fait, il faut imaginer ça comme un Crypt of the Necrodancer. D'accord. Qui croise Céleste, ouais. Qui croise beaucoup de jeux de plateforme comme ça, un peu indé, du style Splasher, du style Splosion Man, tout ça. Oui. Et en fait, il va demander d'associer à un rythme, d'associer une suite de boutons pour avancer plus vite. D'accord. Pour attaquer plus fort aussi, pour enchaîner les combos et du coup, ainsi de suite, gagner le niveau. Oui. Est-ce que ça s'approcherait un petit peu d'un Electronic Super Joy, un peu dans l'approche de la plateforme? Un peu, ça pourrait, ouais, clairement. Qui était un jeu indé pareil, ou platformer très très hardcore, mais où en se laissant guider par la musique, on pouvait réussir les niveaux plus facilement en tout cas. C'est ça. Sachant que le jeu proposera une difficulté assez conséquente, hein. Y a pas de difficulté intrinsèquement proposée, mais il y a vraiment toute une difficulté qui, en fait, si on n'est pas bien en rythme, peut vite nuire au final au jeu. Par exemple, il y a des combats de boss qui vont demander un certain rythme qui est pas facile à appréhender au début, mais qu'on acquiert petit à petit au final. Et la bande son, c'est fait par plusieurs artistes aussi. De nom, j'ai retenu que Dies Iwakauma, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et Camellia, mais il y a plusieurs autres artistes en fait, et ils s'échangent un peu les rôles en proposant des musiques tantôt mélancoliques, tantôt rythmées, tantôt plus électro aussi. Et non, c'est vraiment très très intéressant. Sachant que le jeu propose un système de scoring, donc si vous voulez vraiment, faire la chasse aux trophées, je pense qu'il faut avoir S dans tous les niveaux. Le bonheur. Ce qui est très difficile, ouais, c'est ça. Et il y a aussi un moyen de réécouter la musique et surtout de travailler les BPM dessus. Ah, c'est cool, ça. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir une note en faisant juste la BGM, au final, vous aurez la BGM, ils vont vous mettre le rythme. Et vous vous demandez de vous habituer au rythme, en fait, comme ça. Ah, c'est bien, ça permet de s'entraîner au préalable si vous bloquez sur un niveau ou si vous voulez tenter le niveau dans son rank le plus élevé. Ok. Voilà. Donc, c'est disponible sur quelle plateforme? Sur PS4, Xbox One, PC de sûr, Nintendo Switch, je le sais pas, je crois, ouais. D'accord. Ah, et point que j'ai oublié de parler, oui. La DA est très sympa, elle est assez simpliste. Ok. Y a des trucs qui font mouche, il y en a d'autres qui font un peu moins. Si vous voulez, vous imaginez un peu le théâtre kabuki avec en fait plusieurs strates de décor, donc dessinées, etc. Même les sprites des personnages sont plutôt cool, mais il y a certaines animations qui font un peu dater, et bon, c'est un peu le point négatif. Mais voilà, il y a aussi plusieurs environnements qui ne manqueront pas de vous faire découvrir. L'épilepsie aussi, par moment. Ah, parfait alors, parfait. Mais voilà. Et donc, tu rappelles le nom, s'il te plaît? C'est Mad Rat Dead. Ok. Est-ce que Eric, ça t'a donné un petit peu envie d'y jouer? Alors, moi, les jeux de rythme et moi, c'est un peu une histoire de haine, on va dire. mais ça m'a, comme disait Yannick, ça rappelait un peu Crypt of the Necrodancer, ouais. Tu vois. Et quand je l'ai essayé, ça m'avait quand même pas mal plu. Puis les musiques, on les rend quand même vachement bien dans Mad Rat Dead. Oui. Donc, je pourrais essayer à l'occasion, honnêtement. Oui, ça, okay. Ça pourrait me plaire. Malgré ma haine des jeux de rythme. Que de violence. Ah, bah, oui. Mais bon, ouais. Si je pourrais me réconcilier avec ce type, hein, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ok, donc voilà, plutôt positif, même très positif a priori sur ce jeu. Oui, clairement, ouais. Ok. Est-ce que tu as une idée de l'ordre de prix à peu près? Je sais pas si tu l'as en tête. Pas du tout, j'ai pas regardé. Là, je dois avouer que je ne sais pas du tout. C'est pas tout mais je pense que ça va être dans la quinzaine d'euros. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, je pense. Ça, c'est uniquement des maths sur les différents stores. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Moi, j'ai testé un jeu qui est un beaucoup plus gros morceau. Et heureusement, du coup, que j'y joue que j'ai déjà fait depuis la bêta, etc. C'est Black Desert Online, le MMORPG édité par Core Media, qui avait fait beaucoup parler de lui à la bêta et la sortie, notamment parce que c'est un jeu qui est très, très beau graphiquement, dans la technique surtout. C'est vraiment, je pense, en termes de technique pure, sûrement le plus ambitieux et le plus beau MMO. Je suis moins fan de la DA qui est beaucoup plus, on va dire, classique de MMO fantasy un peu coréen / asiatique en tout cas. Mais en termes de technique, voilà, dans le moteur et dans les textures et dans le field of view, etc., etc. Là, on est vraiment en pile. Il a encore des beaux jours devant lui, malgré il a 2/3 ans de tête. Mais voilà. Et donc, il a fait beaucoup parler de lui parce que, pareil, il a un créateur de personnages vraiment overdosé, où vraiment on peut passer 8 heures à faire un personnage, ce qui est vraiment, vraiment cool. Moi qui adore ça. Et donc, voilà. Donc, déjà, avant toute chose, ce sera, si vous n'avez jamais joué à un MMO, ne jouez pas à Black Desert. Il n'est pas du tout accueillant pour les néophytes du genre. À la différence d'un FF14 ou même d'un WoW, je trouve, c'est vraiment un jeu où il faut avoir fait un peu ses armes avant pour comprendre et pour apprécier en tout cas. Donc on va arriver dans un monde assez classique du fantasy, même s'il est très nippon sur certains points, je trouve, et notamment sur le character design de plein de choses surtout. Et vous allez pouvoir choisir entre pas moins de 20 classes dès le début. Pour faire votre aventure, mais vraiment 20 classes différentes où chaque classe aura ses spells, son arbre de compétences, quelle arme il pourra équiper, quelle armure, son skin, etc., etc. Vraiment c'est un jeu qui en termes de contenu n'est pas du tout avare et dès le début, et ça c'est agréable. Donc vous allez déjà pouvoir choisir dès le début votre classe préférée et partir dans ce monde inconnu donc de Black Desert Online. Et donc pourquoi d'ailleurs on en parle aujourd'hui, c'est parce que une version enhanced est sortie. Donc il y avait déjà eu un remaster l'année dernière. Là la version enhanced, donc moi je l'ai testé sur PS4, il est également disponible sur PC. Elle apporte déjà tout un nouveau continent. On peut maintenant crafter des bateaux et naviguer sur les voiles un peu à la Sea of Thieves. Plein de nouveaux contenus, il y a eu des nouvelles classes. Enfin bref, c'est en gros, vous voyez ça comme une grosse extension du jeu en tout cas. Pourquoi il faut mieux avoir fait des mots avant? Parce que dans le leveling en tout cas, qui est assez rapide quand même, ça qui est cool, il va y avoir beaucoup de farms un peu bêtes et méchants, je trouve, malgré tout. Pas trop, mais beaucoup. Après, moi je suis quelqu'un ça ne dérange pas, donc ça va. Mais voilà, attendez-vous quand même à pas mal de quêtes de chasse un peu classiques dans l'idée, mais qui vont permettre en fait de bien comprendre comment marche le gameplay cœur du jeu. À la différence, voyez ça comme un FF14, on en a encore plus dynamique. FF14, il garde sa barre de compétences un peu comme l'a ancré World of Warcraft avec toutes ses compétences, mais qui a un système quand même de combo et de lien entre les compétences qui est ultra intéressant. Et c'est pas Yannick qui le contredira, ça j'en suis certain. Ah non, ça c'est sûr. Mais là, vous pouvez quasiment oublier les cooldowns. Voyez ça comme un espèce de gros beats-em-all géant, mais sauf que vous avez vraiment plein de spells ultra intéressants et comme un MMO. Et dans les combos, par exemple, j'ai fait un personnage qui est une sorcière, donc je joue avec une faux qui a des spells. Je pourrais lancer une grosse boule de mana sombre, et dedans, si je lance un sort d'éclair, ça va changer son état, ça fera d'autres dégâts, du coup elle va durer plus longtemps, et je pourrais après taper par exemple dans ma faux dedans, pour l'accrocher à ma faux et taper dans une zone autour de moi, et après du coup le spell va s'enlever. Mais ça c'est pas un combo prédéfini où juste ça se fait automatiquement, c'est que j'ai choisi de faire ces spells dans cet ordre là, donc ça fait ça. Mais si j'avais d'abord fait l'électricité puis la boule, ça aurait fait par exemple autre chose. Et donc, c'est tout ce côté mélange et comprendre quel combo va marcher dans quelle situation qui est très intéressant dans ce jeu, qui se veut vraiment très, très dynamique. Vraiment. Et c'est un jeu qui est très axé du coup sur l'exploration, par des très grandes étendues, beaucoup choses à faire, et du coup maintenant ce nouveau continent avec cette navigation maritime, et ça va être beaucoup de, le PvE, voilà, c'est un jeu où, contrairement à F14 par exemple, mais plus comme dans WoW, vous, pas vous êtes le héros, mais vous êtes une partie de ce monde. Vous n'êtes pas l'élu de quelque chose comme tous les autres joueurs, vous êtes un péon de mort, et vous faites votre vie dans ce jeu. C'est un vrai monde persistant, et ça, c'est agréable. Vous allez pouvoir visiter plein de villes, gérer l'économie, évidemment, comme dans les MMO. Dans tout le reste, il y aura plein de choses assez classiques, mais qui fonctionnent très bien. Le vrai plus de Black Desert, c'est les graphismes, le gameplay dynamique, et l'exploration, du coup, très libre, et avec même, du coup, ces fameuses voies maritimes vraiment excellentes, et toutes ces classes. Et le jeu est très axé également PVP. C'est un jeu en haut level, où il va vraiment vous dire... va casser le cul à des gens, c'est ce qu'on veut voir, bordel de merde. Et donc, il y a vraiment une vraie tier list des classes et tout, il y a une tier list après des builds, et donc voilà, c'est le jeu à vous dire, va t'entraîner et va casser des culs, parce que quand même, on n'est pas là pour sucer des glaçons. Sachant que l'avantage de Black Desert, c'est un buy to play, donc pas d'abonnement, vous achetez le jeu, vous y jouez à 100%. Et ça, c'est cool. Après, j'ai rien contre les abonnements, loin de là, c'est deux façons de voir les MMO différents. Et donc voilà, ça va vous permettre de vous dire, il est pas très cher de base, je crois qu'il est à... Alors la N7 est un peu plus cher du coup avec l'extension, mais la version de base est, je crois, à 10 ou 20 euros sur Steam par exemple. Et la version N7 est à une quarantaine d'euros même en boîte, et ça c'est cool. Et vous avez tout dedans directement, donc vous pouvez aller directement casser des culs. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup, overall, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi j'ai beaucoup aimé l'expérience. Parce que je suis un peu un joueur chevronné des MMO, donc ça va, ça va à quoi m'attendre. Mais il y a certains choix du coup que je trouve un peu, pas déplorable, mais un peu dommage, donc tout ce farm derrière finalement qui est un peu dommage. Et le menuing, contrairement encore une fois à un WoW, un F14 ou autre MMO du genre, est pas du tout bien incrusté dans le monde. C'est un menuing très, en termes de design, il est vraiment très moffet, moderne et tout, pour un jeu qui se veut médiéval. Il fait vraiment une surcouche un peu étrangeuse. En fait, tout l'habillage, purement du coup tête haute, et fait un peu tache dedans, et ça c'est très dommage à l'expérience par contre. Ça va être mes deux gros points noirs, c'est le farm et la TH, qui n'ont un peu rien à foutre là. Mais par contre, en termes vraiment de découverte, de vivre des expériences, de vivre dans un monde persistant, sans temps mort, parce qu'il a un très bon matchmaking, qui va vite pouvoir combler, ou alors gérer les donjons lui-même, enfin... Il n'y a jamais de temps mort dans le jeu, il se passe toujours quelque chose, on a toujours un truc à faire. Il y a toujours 20 millions de trucs à faire, évidemment, c'est parce que c'est un MMO. Et malgré tout, l'histoire, en tout cas le fil rouge qui va nous faire aller de ville en ville, reste très plaisante. C'est pas un jeu à histoire, c'est pas FF, par exemple. Je prends beaucoup d'exemples sur lui parce que je trouve un excellent MMO à comparer. Mais voilà, il va plus vouloir un jeu de lore générale du monde, plus qu'un jeu avec une histoire principale, une quête principale, vraiment chiadée de ouf. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la MMO, c'est de savoir que je fais partie d'un grand jeu, et pas juste je suis le maître de ce jeu, et finalement tout le monde l'est aussi en même temps à côté. Donc c'est vraiment un jeu qui va vous donner plein de choses, vous émerveiller, vous faire vraiment comprendre un gameplay assez pur et dur, et vous faire aimer. Donc si je devais mettre une note, même si j'aime pas ça, ce serait un bon 14. Mais voilà, c'est que si vous cherchez un nouveau MMO et que vous savez plus trop quoi jouer, franchement, vous pouvez foncer. Mais si vous n'avez jamais joué à un MMO, c'est peut-être pas celui que je vous conseillerais le plus parce qu'il n'est pas du tout accueillant quand vous connaissez pas le genre. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur PS4 et sur PC, c'est Black Desert Online Enhanced Edition. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai pas été dans les gros détails parce que on allait perdre tout le monde, évidemment. Et voilà, si vous cherchez un nouveau MMO, vous pouvez y aller. Ça, c'est ce que je dirais sur ça. Nouveau MMO sur 20, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc toi Yannick, qui est quand même un féru et un vétéran un peu des MMO, je sais que tu en avais un peu entendu parler. Est-ce que cette N7 te donne peut-être un peu envie de tenter? Peut-être que je le tenterai, mais après moi j'avais pris, il y avait une campagne où le vanilla entre guillemets, oui, était offert, donc du coup je l'ai pris quand même. Après, moi, ce qui me rebute un peu, c'est le côté vraiment farm. Parce j'entends. Que bah, j'aime bien ça, mais en fait, moi, j'aime beaucoup les MMO à histoire à la base. Oui, donc, du coup, c'est ça. Du coup, je risque d'être un peu mis sur le côté vis-à-vis des intentions du jeu, quoi. Voilà, non, mais je comprends. Voilà, c'est pas un MMO histoire, comme je disais. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de farm, mais vu que le gameplay est excellent, ça, et qu'il a plein de, surtout de facettes, on peut vite se renouveler. Après, ça ne pardonne pas le fait d'avoir fait du farm, clairement. Donc voilà, ouais, c'est ça, mais le système de combo a l'air stylé quand même. Ouais, le système de combat est vraiment vraiment stylé, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Pareil, moi je suis j'aime beaucoup les skins, et donc voilà, toutes les armures et tout, enfin, il y a vraiment des choses très belles dans le jeu. Donc voilà, je pense que vous pourrez trouver votre compte si vous, comme je dis, si vous cherchez un nouveau MMO que vous n'avez plus trop à quoi jouer. Je pense que c'est un MMO qui a beaucoup d'avenir encore et qui saura vous convaincre en tout cas. On arrive sur la fin du podcast, ça y est. Malgré tout. Donc, merci à vous deux d'avoir été là. Podcast un peu différent ce coup-ci. Le prochain podcast, ce sera les 1 an d'Anime Minute EX. Ça y est, 1 an, oh là bordel là. De merde. Jamais j'aurais cru. Donc, on fera un peu un point sur cette année déjà dans podcast, cette année tout court 2020. Donc, on aura un peu un all-star de nos invités. Donc, ce sera en janvier quand on pourra un peu plus se réunir, je pense et je l'espère. Donc voilà. En attendant, Eric, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bon, bah, moi, je suis caché dans les méandres du net, mais après, je poste pas beaucoup. Enfin, je poste quasiment jamais, mais vous pouvez me trouver sur Twitter. Donc, c'est @zedru, donc Z-E-D-R-U-H. Et puis, parce qu'il faut toujours avoir un numéro de ce que je vois sur Twitter. Sinon je suis pas très actif sur le net, vous m'entendrez surtout sur les Anime Minute EX ou sur le podcast Off the Grid que je co-anime avec toi, du coup. Bah, c'est déjà beaucoup quand même, malgré tout. Ah, oui, mais bon. mais je suis un homme caché. Ok, et toi Yannick, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est un peu quoi tes actus? Ah bah, moi toujours sur la chaîne Twitch Indie, IND4I, toujours, hein. Toujours. Et puis un peu sur Twitter où je poste mes conneries, donc Indiana_60, et puis voilà, grosso modo. Hein. Bah, et puis dans le podcast, quand je suis apte à parler du sujet. Ouais, c'est la première fois que ça arrive, écoute. C'est vrai. Il fallait bien que ça arrive une fois. Moi, sûrement, un jour, je me ferai évacuer également du podcast sur un sujet que je ne maîtrise pas. Peut-être. Tout peut arriver, évidemment. Et puis moi, les deux podcasts, hein, Anime Minute EX et Podcast Off the Grid, voilà, c'est les deux grosses actus surtout. Puis après, voilà, les réseaux, tout est en description dans tous les cas. Encore un merci du coup à tous d'avoir écouté. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast. Merci Eric, merci Yannick. Et on se retrouve normalement au mois de janvier pour l'anniversaire du podcast. Et donc, merci à tous, des gros bisous. 者いらない奴ら黙らせてるだけ不安定なこの自立心経の Yeah.